équipe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont arrivés pendant la nuit de la mer du Nord, mais c'était sans compter sur l'action du soleil qui fait bien son travail. Les nuages bas se déchirent et donc c'est une journée assez lumineuse qui nous attend, bien ensoleillée. L'après-midi, seuls quelques cumulus de beau temps persisteront. Côté température, eh bien, c'est de saison. 17 degrés au littoral, 18 à 19 degrés pour les reliefs de l'Ardenne, 20 à 23 degrés ailleurs, le tout sous un vent de nord qui deviendra modéré. Il faut bien profiter de cette journée car ça va lentement se dégrader vers le week-end. Vous écoutez Viva, il est 9h. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et cette question, le bourgmestre de Forêt va-t-il mettre sa menace à exécution ? Il menace de fermer la prison de Forêt. Le bâtiment est dans un sale état et les dernières informations en sa possession menaceraient même la sécurité des détenus. Bon, il y a des problèmes de stabilité qu'on me dit qui sont notamment causés par les galeries faites par les rats. Il y a des problèmes de salubrité, d'hygiène. Ça, on sait, c'est les cafards, les souris. Ça, c'est pas vraiment neuf. Mais alors, on me dit que au niveau incendie, installation électrique, là, c'est extrêmement grave et que il y a vraiment des risques avec des fils à nu à certains endroits, des fils électriques encore branchés qui sont près des points d'eau sans que les boîtes de dérivation soient isolées. Et si jamais il y avait quelque chose qui s'y passait dans l'état actuel des choses, tout le monde me dit qu'on risque fort qu'il y aurait des morts. Le bourgmestre de Forêt, joint ce matin par Véronique Fievet, Marc-Jean Geissels, qui organise une visite technique cet après-midi pour évaluer ses problèmes et il prendra une décision sur base du rapport. Pendant ce temps, la grève dans les prisons continue. 46e jour aujourd'hui, la CC et la CGSP ont fait des concessions et de nouvelles propositions hier au Premier ministre, mais les discussions sont terminées, a répondu Charles Michel. Des assemblées générales sont organisées dans les prochains jours pour décider de la suite à donner au mouvement. Partez bien attends, si vous devez prendre un avion aujourd'hui à Charleroi, les policiers de l'aéroport mènent une nouvelle grève du zèle. À partir de 11h, ils dénoncent un manque de personnel. Le contrôle des voyageurs risque donc d'être un peu plus long que d'habitude. Du neuf aussi, dans l'enquête sur l'accident de train de Saint-Georges dimanche dernier, la boîte noire commence à parler. D'après le journal Le Soir, le conducteur a franchi un double feu jaune. Il aurait dû freiner, mais il ne l'a pas fait. Il a seulement commencé à ralentir quand il a aperçu l'autre train devant lui. À l'heure de l'apéro, elles ont l'air si appétissantes qui, eh bien, les olives noires, beaucoup seraient en fait trafiquées et pour nous donner envie de les acheter. Oui, elles seraient noircies artificiellement. Le magazine français de défense des consommateurs, 60 millions de consommateurs, révèle aujourd'hui les petites combines de l'industrie agroalimentaire pour rendre les produits plus attrayants. Quelques exemples avec vous, Yasmina Favaro. Expliquez-nous comment nous sommes parfois trompés sur la marchandise. Alors pour ça, allons au rayon fruits et légumes, devant les clémentines. Vous, Sébastien, comment repérez-vous les plus mûres ? La couleur, celles qui sont le plus orange. Eh bien, vous tombez dans le panneau, car les producteurs sont intervenus pour donner cette belle couleur. Elles sont en général cueillies vertes, et après, eh bien, Adeline Préguette, du magazine 60 millions de consommateurs, nous l'explique. Les producteurs vont les mettre dans une chambre où ils vont injecter un gaz à base d'éthylène qui va accélérer la maturité des fruits et les rendre complètement orange. Autre aliment à subir un tour de passe-passe, ce sont les olives noires. Vous l'avez dit, on trafique leur couleur. Là aussi, pour gagner du temps, on les cueille vertes. Elles sont ensuite plongées dans un bain de saumure et ce n'est pas tout. Les industriels injectent massivement de l'air pour oxyder les olives. Donc elles vont devenir noires et pour fixer cette couleur, ils vont même ajouter un additif qui s'appelle du gluconate de fer, donc c'est du E579. Ça va donner aux olives vraiment un aspect lisse, ébène, uniforme. De quoi nous faire saliver dans les rayons et hop, nous achetons. Alors encore un exemple d'aliments manipulés, ce sont les œufs. Le signe de bonne qualité, le jaune d'œuf éclatant, eh bien il n'en est pas plus vrai pour autant. Là aussi les industriels ajoutent, ici c'est une molécule, elle intensifie la couleur. D'ailleurs cette fameuse molécule, eh bien elle n'est pas présente dans les œufs bio, elle est interdite. C'est logique hein, puisque c'est pas très naturel tout ça. Non, en effet, les explications de Yasmina Favaro avec nos confrères de Radio France. L'actualité internationale avec Barack Obama Obama qui va jouer les conciliateurs aujourd'hui. Le président américain reçoit Bernie Sanders. Malgré la victoire assurée maintenant d'Hillary Clinton, le candidat démocrate continue à se battre et promet de le faire jusqu'au bout pour l'investiture de son parti. Mais Barack Obama, lui, ne veut pas perdre de temps face à la menace Donald Trump, Julien Geffredo. Et oui, après 8 ans comme président des États-Unis, Barack Obama va jouer aujourd'hui un rôle de médiateur, médiateur au sein du Parti démocrate. Le ton de cette rencontre à la Maison-Blanche devrait être cordial, dit-on, mais l'objectif n'en est pas moins clair, convaincre Bernie Sanders de mettre fin à sa campagne avant la convention de Philadelphie qui aura lieu à la fin du mois de juillet. En d'autres termes, épargner plusieurs longues et pénibles semaines à Hillary Clinton durant lesquelles elle devrait faire campagne sur deux fronts et surtout éviter que le Parti démocrate n'entre dispersé dans la course à la Maison-Blanche. En échange de son soutien, Bernie Sanders devrait se voir offrir des concessions sur le programme démocrate, une inflexion plus social. Seulement, même avec l'appui de cette figure de la gauche du parti et cette idole des jeunes démocrates, cela pourrait ne pas suffire. À mesure que la campagne avance, les partisans du sénateur du Vermont sont de plus en plus réticents à soutenir Hillary Clinton. Selon une étude Reuters-Ipsos, il n'était guère que 50% en avril. Aujourd'hui, il ne serait plus que 41%. Merci Julien. L'horreur hier soir à Tel Aviv en Israël, deux Palestiniens ont tiré au hasard sur des clients installés en terrasse. Il y a 4 morts et une dizaine de blessés. Les deux assaillants ont été arrêtés. Et puis en sport, que font les Diables Rouges en dehors de leurs entraînements? C'est la question. Ah ben oui, ben maintenant qu'ils sont à Bordeaux, il n'y a plus de famille pour les distraire. Les entraînements sont à huis clos, plus de supporters donc pour les solliciter. Alors, pour occuper leur temps libre et ne pas penser qu'au foot uniquement, certains jouent aux cartes. C'est le cas de Laurent Simon. Ben c'est vrai qu'on a bien joué aux cartes avec Eden, Axel et Jean-François, donc ça change les idées aussi. C'est quoi le jeu? Ben, on joue à la belote ou... Au King, je pense que c'est ça le nom, double King. Et qui est le King en fait? Bah ça dépend. À la belote, je joue avec Jean-François, donc là on est imbattable. Après pour le double King, c'est chacun pour soi, donc ça dépend du jeu que tu as dans les mains. Laurent Simon avec un de nos envoyés spéciaux à Bordeaux, Vincent Langendries. Outre les parties de cartes, aujourd'hui le programme est un peu plus sérieux avec un entraînement tout de même à huis clos dès 10h. Le match face à l'Italie, ce sera dans 4 jours. Ce soir à Paris, place au coup d'envoi des festivités avec l'inauguration de la fan zone officielle et un concert donné au pied de la Tour Eiffel. RTBF Mobile Info et quelques ralentissements ce matin pour arriver dans la capitale, Stéphane Piebeuf. Et on pourrait même dire des ralentissements eux-queux parce que vous perdez moins de 15 minutes pour rejoindre Bruxelles sur l'ensemble des axes. 10 minutes sur le 411 qui vient de Namur, vous ralentissez à partir d'Overijs jusqu'à Herman-Debrou. 12 minutes sur le 40 qui vient de Liège à partir du parking de Haut-Déverlé jusqu'à Woluwe-Saint-Étienne. Et sur le 40 qui vient de Gand, c'est entre Alost et Affligem que vous ajoutez 12 minutes à votre temps de parcours. Sur le ring, ça se passe très bien aussi. Une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Plus 15 minutes pour la circulation extérieure entre Hautitre et le carrefour Léonard. Ça ralentit dans les principaux tunnels bruxellois. Et un quartier qui est particulièrement embouteillé, comme chaque matin depuis ce nouveau chantier dans le tunnel Montgomery, eh bien c'est le quartier qui va de Mézières jusqu'au rond-point Montgomery, où la circulation s'effectue au compte-gouttes dans les deux sens sur le boulevard Brandt-Whitlock. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Excellente journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Et c'était Sébastien Pierret pour l'info. Vous avez la parole juste après un très très très très court break. Le temps de s'habiller. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Tous les matins en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 07 233 466. C'est vous qui le dites. Maintenant qu'on sait que les Diables Rouges jouent aux cartes pendant les entraînements, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, hier à Soumagne, Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait après être remonté dans sa chambre chercher une arme. Est-ce qu'on peut encore parler de légitime défense ? Voilà les faits. Mercredi, 5h du matin, Jean entend du bruit et se retrouve nez à nez avec deux hommes. Il est frappé avec un tournevis, jeté au sol, roué de coups. Les voleurs lui demandent d'ouvrir le coffre et pendant qu'il rafle tout, Jean remonte et agrippe son revolver 9 mm. Il y a 5 balles dans le barillet. Les voleurs s'enfuient, mais quand Jean crie « ne bougez plus », l'un d'eux se retourne avec une arme chargée qu'il a trouvée dans le coffre. « C'était lui ou moi », dit Jean dans Sud Presse ce matin. L'homme a donc tiré et touché le voleur trois quarts de dos. Le cambrioleur lourdement blessé à 26 ans, c'est qu'il est originaire de Bénezet. Écroué à la prison de Marnef, il avait bénéficié d'un congé pénitentiaire, mais il n'était pas rentré à la prison au moment du vol alors qu'il aurait dû s'y trouver. Jean, lui, a été laissé en liberté. C'est la question pour vous ce matin. Hier à Soumagne, Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait, mais après être remonté dans sa chambre, cherchait une arme. Est-ce qu'on peut encore parler de légitime défense ? L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur ? Là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo, elle repose à l'air libre, bactéries. Après José Munich, c'est son fameux fromage de Herve, l'AFSCA n'interdit pas la tarte au riz comme on l'a pensé hier, non, elle lance une mise en garde. Le problème, c'est qu'après cuisson, les pâtissiers wallons ne mettent pas cette tarte au frigo, comme le veut la réglementation européenne sur les pâtisseries fraîches. Non, les pâtissiers wallons, eux, laissent la tarte au lait cru, à l'air, à la température ambiante. L'AFSCA a donc commandé une étude scientifique indépendante à l'Institut flamand de recherche sur l'agriculture et la pêche. L'étude devra déterminer la température idéale de conservation de la tarte et c'est donc un nouveau combat entre ceux qui craignent la prolifération des bactéries et ceux qui assurent que l'onctuosité n'est possible qu'à l'air libre. Alors c'est la question pour vous ce matin. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur ? Là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo, elle repose à l'air libre, d'où les bactéries. Et puis au 070-233-466, le PS propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Est-ce que vous dites oui ou vous dites non ? Trois députés fédérales PS, dont Laurette Ankellings et Karine Lalieu, déposent tout à l'heure à la Chambre une proposition de loi qui permettra d'allonger le délai de l'IVG à 14 semaines au lieu de 12 en ce moment. Et ce n'est pas tout, elle souhaite également sortir l'avortement du code pénal pour le faire reconnaître comme un droit fondamental de la femme. Pour l'instant, le code pénal parle encore de crime ou de délit contre l'ordre des familles. 14 semaines, notez que le porte-parole de la Fédération des centres de planning familial estime que c'est encore trop peu et rêve de 16 semaines, l'idéal étant, paraît-il, de 22 semaines comme aux Pays-Bas. La question pour vous ce matin. Le PS propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Vous dites oui, vous dites non. Zoé Boss, standard ouvert. Fidèle au poste, Marion Jomat décroche vos appels au 070-233-466 et libre au SMS au 3063, 50 cents ce par message. Ce matin, dans C'est vous qui le dites, trois débats, un cambrioleur blessé par balle, une tartourie pleine de bactéries et enfin, le PS propose d'allonger le délai d'avortement. Le débat, c'est vous qui le faites. Pour vous guider ce matin, Charlotte Van Bever, journaliste à la dernière heure, et Laurence Piret, journaliste à Sud Presse, sont avec nous dans le studio. Laurence et Charlotte, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Premier débat sur la table, c'est donc hier à Soumagne, Jean, 66 ans, qui a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait. La particularité dans ce dossier, c'est que Jean, alors que les voleurs prennent tout dans le coffre, Jean remonte, va chercher une arme, il revient, dit stop. Là, le voleur se retourne avec une arme et Jean tire. Dans ce cas-là, est-ce que vous parlez encore, Laurence, de légitime défense ? Il remonte chercher une arme. Oui, je parle encore de légitime défense, tout comme la justice, puisque pour le procureur du roi aussi, dans l'état actuel de l'enquête... Il est libre en l'état actuel. Voilà, exactement. Maintenant, on sait aussi que l'enquête se poursuit, il y a des devoirs complémentaires en cours, le cambrioleur est blessé, donc il n'a pas encore été entendu. Mais pour moi, oui, c'est de la légitime défense, puisque c'est de la riposte proportionné et ici, il sait qu'il y a une arme dans le coffre que les cambrioleurs ont fouillé. On discute deux secondes de l'intention présumée. Charlotte, donc, cet homme a été battu, il est au sol, les voleurs s'occupent du coffre, mais lui, il remonte. Il va chercher une arme qu'il sait chargée de 5 balles. Pourquoi on va chercher une arme dans ces cas-là ? Si on se met à la place de ce monsieur Jean, on imagine bien qu'il y a peut-être une envie de vengeance. Il a quand même été roué de coups, et mis à mal par des cambrioleurs. Et il y a peut-être le fait aussi, il avait peut-être peur que les gens fassent mine de partir et finalement décident de peut-être encore un peu fouiller un petit peu plus longtemps la maison. On ne sait pas, mais je peux comprendre sa démarche, même si elle n'est pas dans l'instant T. Elle est à T plus 1. Je me mets à sa place, je me dis que j'aurais probablement fait la même chose si j'avais une arme chez moi. Vous êtes d'accord, Laurent, c'est que cette hypothèse-là, s'il remonte, c'est plus par une envie de vengeance qu'une envie de protection. Non, pour moi, c'est de la peur. Ce monsieur sait qu'il a une arme dans le coffre que ses cambrioleurs fouillent, des cambrioleurs qui sont loin d'être des enfants de cœur, qui viennent de le rouer de coups, semblent quand même prêts à pas mal de violence pour arriver à leur fin. Il sait qu'il y a une arme dans ce coffre et il sait qu'il a une arme à l'étage pour pouvoir répondre en cas d'utilisation finalement de cette arme qui serait aux mains de ces cambrioleurs. Sans froid ou inconscience. Donc l'homme va chercher une arme, redescend et il crie aux deux voleurs qui sont en train de partir. Ne bougez plus, ne bougez plus, Charlotte. Non, ce monsieur a énormément de sang-froid. Il est fort. Cette personne est quand même forte mentalement, parce qu'il réagit. Il aurait pu rester là, peu couché au sol. Non, il réagit. Il a du sang-froid. Après, il est dans une situation compliquée. Il n'est pas dans une situation normale. On réagit pas, on réfléchit pas. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc, il réagit instinctivement, mais dans cet esprit de se défendre aussi. Mais avec quel espoir? Quand on a deux voleurs, qu'on sait donc armés, qui s'enfuient avec un fameux butin, on crie ne bougez plus. C'est dans quel espoir? Il voulait attendre que la police arrive, Laurence? Sans doute, oui, puisqu'on sait que son épouse qui était à l'étage, et sans doute a-t-il aussi voulu protéger son épouse en remontant pour avoir un moyen de défense. Qui, elle, essayait d'appeler la police à ce moment-là. Voilà, sans doute a-t-il espéré pouvoir les maintenir sur place jusqu'à l'arrivée de la police. Après, effectivement, si les cambrioleurs avaient ouvert le feu sur lui, effectivement, il le dit, c'était lui ou moi. Et je pense que ce monsieur, ayant deux armes chez lui, étant a priori, en tout cas en règle de port d'armes, est aussi sensibilisé au tir. Et quand il dit « je n'ai pas tiré pour tuer », je pense qu'effectivement, il est sincère. C'est un bon signal, ça, Charlotte, de l'avoir libéré. Ça veut dire qu'effectivement, la légitime défense, elle peut se faire à temps plus un, plus deux. C'est un bon signal de la justice ou ça peut être mal interprété? Évidemment, ce sera mal interprété. Et, beaucoup de personnes vont dire, ben voilà, maintenant, on peut faire justice soi-même, on peut se défendre tout seul. Évidemment, ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. Mais chaque cas est particulier. Cette personne a utilisé tous les moyens à sa disposition pour se défendre, pour réagir contre les cambrioleurs. Ça s'est bien passé quelque part pour lui puisqu'il a été libéré, un peu moins pour le cambrioleur, mais bon, ça c'est son problème. Oui, évidemment, il y a des gens qui vont réagir, qui vont dire « mais maintenant, c'est pas la loi du talion non plus ». Mais malheureusement, dans des cas comme ça, tant mieux si on a une arme, qu'on peut se défendre pour faire peur, déjà dans un premier temps pour faire peur. Dans une seconde, on fait une parenthèse sur ce jeune homme, hein, l'homme blessé, le cambrioleur blessé, 26 ans, qui aurait dû normalement être en prison. Il aurait dû retourner en prison. Mais d'abord, nous allons à Liège. Michel, bonjour. Bonjour. Et vous avez donc été cambriolé hier, c'est ça? Oui. Alors, je vous pose cette question qui concerne... Très légèrement, parce que j'ai trois chiens, mais ils ont quand même piqué, malgré les trois chiens qui ont défendu. Michel, alors c'est en étant concerné que je vous pose la question de Soumagne. Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait, mais après être remonté chercher une arme. Est-ce que là on est toujours dans la légitime défense? Ben, tout à fait. Tout à fait. Et on devrait étendre cette légitime défense au bien. Moi, j'ai peut-être fait des conneries dans ma vie, pas très graves, qui ne m'ont pas valu d'être arrêté, ni la prison, etc. J'ai peut-être fait des bêtises, mais jamais je ne me suis retrouvé dans le domicile de quelqu'un en train de piquer quelque chose. Alors j'estime... Michel, je vous refais d'autres alternatives. Le fameux Jean, 66 ans, il aurait pu remonter, se cacher. Il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu exfiltrer sa femme. Ils vont peut-être aller le buter dans sa chambre. Moi, ce que je dis, c'est... On entre chez quelqu'un pour aller voler, il faut accepter le risque. Qu'on soit armé ou pas, l'autre, le propriétaire, il a une arme, qu'on étende la légitime défense au bien. T'es en train de voler chez moi, boum, t'arrêtes, c'est très bien comme ça. Mais les voleurs sont en train de s'enfuir. Il a 66 ans. Michel, les voleurs s'enfuient à ce moment-là. Avec quel butin? Avec quel dommage? Vous savez les dommages collatéraux que ça fait d'être cambriolé. Mais donc d'après vous, Jean, il agit pour la marchandise, il agit pas pour la sécurité. Bah, il ne sait pas. Il sait qu'il y a une arme dans le coffre, dans son coffre, qu'ils sont en train de fouiller. Donc, il s'enfuit. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Ah, c'est pour ça qu'il y a espace de discussion ce matin. C'est parce que le moment du tir, c'est un moment après avoir été cherché une arme, c'est un moment où les voleurs s'enfuient. Et donc, le jeune homme de 26 ans blessé, lourdement, a été touché trois quarts de dos. Michel, c'est tout à fait la légitime défense, m'avez-vous dit. On ira peut-être plus loin dans la conversation tout à l'heure. Maintenant, une parenthèse, et puis on en reste là sur ce dossier. Le jeune homme de 26 ans blessé était écroué à la prison de Marneffe. Il avait bénéficié d'un congé et n'était pas rentré à la prison. Qu'est-ce qu'on se dit de ça, Laurence ? Mais que les contrôles liés aux libérations et aux congés pénitentiaires, ici, force est de constater qu'il y a un problème. 24 heures, effectivement, c'est très court, mais il y aurait déjà dû y avoir un signal d'alerte dans l'organisme qui était chargé de contrôler qu'il était ou non rentré. Alors, il y a l'interview de sa maman dans Sud Presse qui dit « c'est un gentil garçon, il a des mauvaises fréquentations ». En même temps, il a 26 ans, il est responsable de ses actes et je pense que voilà, il est blessé et il devra en répondre devant la justice. Qu'est-ce qu'on se dit de ça ? Le jeune homme, Charlotte, aurait dû être en prison. Je trouve ça pitoyable. Déjà, visiblement, on accorde des congés pénitentiaires à des gens dangereux. Logiquement, on n'a pas un congé pénitentiaire si on est susceptible d'aller cambrioler, de presque massacrer un homme. Honnêtement, je ne comprends même pas comment on peut laisser sortir des gens comme ça, puisqu'ils profitent de son congé pénitentiaire pour aller cambrioler. Donc, c'est même pas quelqu'un qui est à l'air libre, comme vous et moi, qui se promène, qui se dit tiens, j'ai besoin d'un petit peu d'argent, je vais aller cambrioler. Non, ils profitent de ces quelques jours de congé de pénitentiaire pour rentrer dans le domicile de quelqu'un et frapper cette personne. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Encore une fois, il y a vraiment des problèmes judiciaires dans ce pays. Hier à Soumaïn, Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'efforçait et qui s'enfuyait après être remonté dans sa chambre chercher une arme. Est-ce qu'on peut encore parler de légitime défense dans ce cas-là ? Ce sera à vous de le dire. Dans un instant, deuxième débat sur la table. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur ? Ensuite, le PS qui va allonger le délai d'avortement. Nos femmes avorteront à 14 semaines. Et puis la question qui dérange à 10h45. Vu les dégâts inondations, y aura-t-il assez d'argent pour indemniser tout le monde dans le fonds des calamités de la région ? On dit que ce fonds n'est riche que de 10 millions. Et que toutes les communes sont en train de se ruer en ce moment pour avoir l'argent. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque 6 fois. Sauf pour Audi. Il suffit de rappeler que pendant les Audi Days, les conditions sont exceptionnelles. Comme sur l'Audi Q3 Spring Edition avec plus de 4300 euros d'avantage. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze, bien acheté, bien mangé. C'est samedi chez Brico, tout sera à moins 20% pendant les deux premières heures d'ouverture. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau ? Ça tombe bien. Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, avec Charlotte Van Bever, la dernière heure les sports, avec Laurence Piret, Sud Presse, et le deuxième débat sur la table. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. Le nouveau combat de l'AFSCA, cette fois contre la tarte au riz de Verviers. Enfin, c'est une mise en garde. La tarte au riz est dans le collimateur de l'AFSCA, puisque là-bas, les pâtissiers avec cette tarte au lait cru décident de ne pas placer la tarte au frigo après cuisson, mais bien de la laisser à l'air libre, d'où le risque en matière de bactéries. Voilà pourquoi l'AFSCA a donc lancé une étude qui dira demain ce qu'on doit réellement faire pour être dans les normes européennes. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la Tartourie dans son collimateur, Charlotte ? Il me semble que l'AFSCA cherche un petit peu misère aux produits locaux, ce qui fait un petit peu la richesse, on va dire, culinaire de la Belgique. Après, le fromage de Herve, ça me touchait beaucoup plus. Oui, mais là, dans le dos, la réglementation européenne sur les pâtisseries fraîches. Oui, mais la réglementation ne date pas, je pense, d'hier. Cette réglementation, visiblement, il n'y a pas des plaintes qui sont tout d'un coup, qui ont été découvertes avec de personnes malades après avoir mangé 4 morceaux de tarte, 4 morceaux de tarte au riz. Enfin, j'aimerais bien voir concrètement combien de personnes se sont retrouvées à l'article de la mort après avoir mangé cette tarte au riz de Verviers. Ça n'a pas du sens en matière de prudence culinaire, cuisson, et puis au lieu d'aller au frigo, on laisse ça à l'air libre. En plus, il commence à faire chaud. Ça n'a pas du sens de recommander le frigo, Laurence ? Non, ça n'a pas de sens dans la mesure où effectivement, cette réglementation européenne, elle est européenne, mais elle ne tient pas forcément compte des spécificités de chaque produit vraiment typique de nos régions. Après, à quoi va-t-on s'attaquer ? Au jambon d'Ardenne, que sais-je ? Mais alors, c'est quoi l'intention de l'AFSCA ? Ils veulent juste harceler, tracasser, nuire ? Ce serait ça ? On a vraiment l'impression que l'AFSCA applique des règles, finalement, très générales, sans tenir compte du terrain. Et c'est vraiment un reproche qui est fait de manière générale par les producteurs locaux, par les petits artisans, dont ils ont tué quand même l'un des derniers fleurons avec le fromage de Hervolet cru. Et de manière générale, par tous les professionnels d'un secteur alimentaire qui se retrouvent finalement, qui ont vraiment l'impression d'être persécutés par l'AFSCA. C'est la théorie du grand complot. Vous croyez à ça, Charlotte ? L'AFSCA maintenant essaie de faire disparaître ces petits pâtissiers wallons qui font le choix de la tartourie traditionnelle. C'est pas la théorie du complot, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'illogique, c'est qu'on nous dit, on commence vraiment à nous le répéter, il faut manger régional, il faut manger wallon, il faut aider l'économie wallonne, on a d'excellents produits en Wallonie, et d'un autre côté, on a une autorité qui nous dit, oui mais attention, ceci vous ne pouvez pas manger, ceci vous ne pouvez pas le manger, ceci non plus, parce que l'Europe a décidé que, l'Europe est très compétente dans certaines matières, notamment économiques, mais peut-être pas alimentaires, enfin je vois pas là en quoi une réglementation européenne peut s'appliquer à des cas vraiment particuliers qui sont des produits spécifiques du terroir. Pourquoi vous ne dites pas, Laurent, je soutiens l'AFSCA qui est dans une démarche raisonnable ? Elle n'interdit pas la tartourie, non, elle commande une étude à l'Institut flamand de recherche sur l'agriculture et la pêche dont elle aura les résultats cet été. Pourquoi vous ne louez pas la prudence et la réflexion de l'AFSCA ? Je suis très prudente parce que ici on est sur une agence fédérale qui commande une étude en Flandre, pour un produit qui est wallon et qui est défendu par, accessoirement, tous les wallons via Facebook qui ont mis des « je suis tartourie à gogo » et par les ministres qui sont en charge justement du patrimoine, de l'agriculture, etc. Donc je ne veux pas plaider évidemment le communautaire, mais je suis quand même sceptique quant aux résultats de cette étude qui, effectivement, vont peut-être montrer que y a peut-être un développement de bactéries. Maintenant, effectivement, on n'a jamais eu de cas, je pense, de personnes qui sont mortes à cause d'une tartourie pas fraîche. Les artisans sont suffisamment matures que pour pouvoir les jeter quand ils savent que la croûte est desséchée ou qu'elles ne sont plus propres à la consommation. Ça tient la route ? Un coup politique flamand ? Un truc fédéral qui va avoir des flamands pour tuer un truc wallon, ça tient la route ? Je ne sais pas si ça tient la route, ce serait cocasse en tout cas, ce serait cocasse comme raison de faire disparaître la tartourie. Moi, ce qui me fait plutôt rire vraiment aujourd'hui, c'est de me dire qu'à ce rythme-là, on va finir par tous manger des graines ou bien des molécules sortant de je ne sais où, mais qu'on n'aura plus jamais le goût de chez soi. Et ça, effectivement, sont des produits, on le sait très bien. Et les seniors, les femmes enceintes, ce sont vraiment, on va dire, les cas à risque. Doit faire attention à ce qu'elle mange, mais pas la population globale. Marnef est en ligne. Robert, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui êtes boulanger retraité, l'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tartourie de Verviers dans son collimateur, puisque là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo, elle repose à l'air libre. Écoutez, l'AFSCA, maintenant je peux dire ce que je veux parce que je suis retraité. L'AFSCA, ce sont des gens qui sont assis toute la journée pour penser. Et les penseurs, ce sont des gens dangereux. Alors, ils font ça pour la sécurité alimentaire, il y a un risque de développement de bactéries. Allez, pas de blague. Hein. J'allais chercher mon lait chez le fermier. Mon lait, non, je faisais mon riz dans une casserole en inoxydable. Tout était parfait. On fait bouillir le lait, donc ça disparaît déjà. Robert, est-ce qu'il y a une raison après cuisson ? Mes tartes normales à 220, mes tartouries étaient cuites à 230 degrés. Quel est l'intérêt de ne pas mettre cette tarte au frigo après ? En quoi ça tuerait le petit pâtissier wallon de mettre cette tarte au frigo ? Ça tuera le goût On l'a essayé, ça, hein. Ça, le goût de la tarte au riz va disparaître dans un frigo. C'est pour ça que je vous dis, les gens de l'Afrique, ils n'y connaissent rien du tout. Ils appliquent ce qu'on leur met sur le petit papier et puis c'est bon comme et ça. Et si ça goûte plus la tarte au riz, ça goûte quoi? Ça goûtera du n'importe quoi, sauf la tarte au riz. Ah, donc le goût disparaît complètement. Et vous êtes boulanger retraité. Robert Amarneuf, merci de nous avoir rejoints dans la conversation. Est-ce qu'on peut, terminons-en là, est-ce qu'on peut, au nom de la sécurité alimentaire, Charlotte, accepter un petit aménagement de goût? Un petit goût moins. Non, je rejoins ce que monsieur disait. Un petit aménagement. Mais un petit aménagement, je regrette tout à fait le goût. C'est vraiment un produit spécifique qui a son goût parce que la tarte est confectionnée de cette manière-là. Est-ce qu'on peut accepter, Laurence, un petit aménagement de goût au nom de la sécurité alimentaire? Non, bien sûr que non. Et aujourd'hui, les seules tartes au riz qui sont mises au frigo sont dans les pâtisseries industrielles, dans les supermarchés. Et effectivement, on sait déjà que quand on achète son produit au supermarché, il n'a pas le même goût que chez le petit artisan qui a effectivement préparé ça avec un lait de qualité, de ferme, etc. Et donc, les femmes enceintes qui veulent une tarte au lait cru? Mais je pense que les femmes enceintes savent aussi les produits qui leur sont interdits ou qu'elles doivent éviter, tout comme les crudités mal lavées, etc. Donc je pense que chacun est responsable aussi de sa propre sécurité alimentaire. Et si une femme enceinte veut une tarte au lait cru de Verviers, enfin, Charlotte? Franchement, elle peut s'en passer. On n'est pas enceinte à vie. 9 donc, mois, ça va aller. Franchement, 9 mois, elle peut peut-être passer à autre chose pendant 9 mois. À vous de vous prononcer. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au lait de Verviers dans son collimateur? Là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo, elle repose à l'air libre, d'où les bactéries. Dans un instant, troisième débat sur la table. Le PS qui propose d'allonger le délai de l'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines, oui ou non? Et puis 10h45, question qui dérange. Vu les dégâts inondations, toutes les communes, paraît-il, se ruent vers le fond des calamités de la région. Question qui dérange. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour indemniser tout le monde? Le fonds n'est riche que de 10 millions et tout le monde veut le magot. 10h45. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. Bonjour, c'est Jean de Maier. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3 plus 1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés, horaires en magasin. Actuellement, 25% de réduction sur toutes les litières pour chats AVV. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan. Venez fêter avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Découvrez aujourd'hui les technologies de demain et profitez de nos techno-deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Nissan. Innovation that excites. C'est 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Delice et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1000 euros à gagner. Votre enfant découvre la lecture? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud Presse. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Avec vous, avec Charlotte, c'est la dernière heure. Avec Laurence Sud-Presse, le troisième débat sur la table autour d'une proposition PS tout à l'heure au Parlement. Trois députés fédérales, dont Laura Tonkelings et Karine Lallieu, déposent une proposition de loi qui permettra d'allonger donc le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines au lieu de 12 si le projet passe. Et par ailleurs, le code pénal devrait être adapté, puisqu'aujourd'hui, le code pénal parle encore de crimes ou de délits contre l'ordre des familles. Ce délai, 14 semaines, vous dites oui, vous dites non, votre position, et puis on discute. Charlotte, vous dites oui, vous dites non. Je dois dire, si je dois trancher, je dis oui, mais... C'est oui, mais alors c'est ah oui, mais, voilà. Laurence. Je dis oui. Elle dit oui tout court. Sans mais. Alors, où est votre mais, Charlotte ? Mon mais, je ne comprends pas bien le rallongement de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas aller jusqu'à 22 semaines comme aux Pays-Bas ? C'est juste ça. Je ne comprends pas en quoi 2 semaines. Alors, on comprend bien, évidemment, que 2 semaines, c'est 2 semaines de délai, 2 semaines de réflexion supplémentaire. C'est quoi, c'est cosmétique ? Non, c'est pourquoi c'est 2 semaines, pas 3, pas 4, qu'est-ce qui peut se passer ? On sait dans l'esprit de la femme ce qui peut se passer en 2 semaines, elle a un temps de réflexion plus long. Pourquoi on ne prolonge pas alors jusque 22 semaines, puisque ça se fait aux Pays-Bas ? C'est là où est ma question. Pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas, je veux dire, le bouchon jusqu'à 22 semaines, tant qu'on y est ? Bah alors voyons jusqu'où vous allez, Laurence, parce que vous avez dit oui sans condition à 14 semaines. Vous êtes prête à aller jusqu'à 22, comme aux Pays-Bas ? Oui, bien sûr, je suis prête à aller jusqu'à 22. 22 Oui, pourquoi pas. On sait quand même que, je regardais un peu les chiffres, en 2006, il y a eu 800 Belges qui sont partis, qui ont traversé la frontière pour aller avorter d'un fœtus qui avait dépassé le délai belge de 12 semaines. C'est des femmes qui sont dans une détresse médicale, une détresse psychologique, une détresse, voilà. Et donc, pour moi, bah, ces femmes-là, 2 semaines, c'est déjà 2 semaines, effectivement, c'est 2 semaines de réflexion en plus, c'est 2 semaines pour éviter des grossesses non désirées. Mais donc, vous êtes favorable à la disparition totale d'un cadre autour de l'avortement ? Ah non, il faut évidemment qu'il y ait un cadre. Après, on sait aussi que l'Angleterre, par exemple, c'est 24 semaines parce que l'Angleterre part du principe que la viabilité du fœtus est de 24 semaines. Donc, les Pays-Bas l'ont mise à 22. Effectivement, ce sont nos voisins directs. On pourrait très bien, justement, s'adapter à nos voisins. Vous iriez jusque-là, Charlotte, vous, 22, 24 semaines, ou ça vous semble être un délai excessif ? Ça commence à devenir excessif. Pourquoi ? Parce que la médecine fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, une femme qui est enceinte et qui accouche, qui est contrainte d'accoucher à 24, 25 semaines, ça se fait très rarement, mais on peut maintenir le fœtus en vie, l'enfant naît en vie, on y arrive médicalement dans certains cas. Donc plus on va, la médecine va évoluer, moins le délai d'avortement, je trouve, devrait être prolongé, puisqu'il y a quelque part après une viabilité de l'enfant qui est plus longue, en tout cas du fœtus qui sort du ventre qui est plus longue. C'est moral et en même temps c'est une question scientifique. Aujourd'hui, on fixe ce délai aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne à 24 semaines parce que médicalement on dit justement, voilà, c'est ce qu'il faut. À l'avenir, je pense que le délai d'avortement justement devrait être raccourci. Mais aujourd'hui, quand on est à 14 semaines, quand on peut même aller jusque 22 comme aux Pays-Bas, ça me semble tout à fait correct. Un avis supplémentaire à Liège. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour. Le PS propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Charlotte et Laurence ont dit oui. Vous, vous dites oui ou vous dites non ? Moi, je dis non, parce que je considère déjà que c'est, pour moi personnellement, que c'est un meurtre. Je ne dis pas dans le cas où... Donc même à 12 semaines, c'est un meurtre pour vous ? Mais écoutez, bon, j'ai une mauvaise expérience. J'ai perdu, j'ai fait 3 fausses couches, dont 2, j'ai vu les embryons. Et je voyais déjà les prémices de la formation des jambes et de la tête et du tronc. Donc moi, c'est mon avis personnel parce que j'étais confrontée à cette tragédie. Pour moi, c'était une énorme tragédie. Fabienne, parenthèse personnelle, vos fausses couches, à quel stade ? 12 semaines et 14 semaines. Donc on est pile dans les délais qui sont aujourd'hui en discussion au Parlement. Ouais. Et la dernière fausse couche, c'était au fait que j'étais enceinte. Oui, je savais que j'étais enceinte. J'ai eu des saignements et la gynécologue voulait me faire un curetage en disant que bon, le fœtus était parti. Et moi, je sentais en moi-même que j'étais non encore enceinte. On avait beau dire sur les hormones. J'étais voir un autre gynécologue qui m'a fait une échographie, il m'a dit « Regardez, il y a un petit cœur qui bat et c'était ma fille. » Mais l'avortement est un droit de la femme. Il faut le sortir du code pénal, demandent les parlementaires. C'est un droit fondamental de la femme. Oui, je ne dis pas dans le cas où c'est vraiment issu d'un viol ou qu'il savait que au niveau héréditaire, il risque d'y avoir des grosses anomalies ou des handicaps. Là, je ne dis pas. Je dois vous signaler que le droit fondamental voulu par les trois députés fédéral PS est hors viol. Hein, c'est même dans une grossesse qui se fait à l'intérieur d'un couple. Fabienne, vous m'avez dit non à ces délais. Je termine autour de la table. Laurence, on a affaire à une conversation sur le droit de vie ou on a affaire à une conversation sur le droit des femmes ? On a affaire à une conversation sur le droit des femmes à disposer de leur corps, à pouvoir prendre une décision quant à l'avenir d'un enfant qui n'est pas désiré. Et la société peut mettre une limite à votre droit de femme ou pas ? Pour moi, non. Pour moi, non. Ici, ce qui me choque justement, c'est qu'on parle encore de crimes, de délits par rapport au droit des familles. Effectivement, ce code pénal doit être adapté, oui. Ah, c'est sans doute dans en la proposition 2016, ce qui fera doit le être moins... adapté. Ouais, ce sera sans doute ce qui fera le moins débat, hein, l'adaptation du code pénal sur le délai 12-14 semaines, c'est un peu plus compliqué. On a affaire au droit de vie de l'enfant et du fœtus, Charlotte, ou on a affaire au droit de la femme ? Non, on a clairement affaire au droit de la femme. Le droit de vie du fœtus, on ne va pas revenir 10-15 ans, enfin, on ne va pas revenir en arrière. Ce sont des choses qui ont été aujourd'hui acquis. C'est acquis pour la femme qu'elle peut se faire avorter. Alors, on a la chance que c'est possible dans notre pays, ce n'est pas le cas partout. Il ne faut pas revenir en arrière et remettre le débat sur la table. Le débat aujourd'hui, c'est simplement le délai d'avortement. Passera-t-il de 12 à 14 semaines ? Mais il n'est pas question d'avoir de nouveau un discours sur est-ce qu'on tue un enfant ? Est-ce qu'on considère un enfant, un embryon, un fœtus ? Non, ça, c'est plus aujourd'hui, ça ne doit plus aujourd'hui être un débat. Elles ont dit oui, mais et oui. Charlotte Van Bever et Laurence Piret. Bonne journée, mesdames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Hier à Soumane, Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait, mais après être remonté dans sa chambre, cherchait une arme. Est-ce qu'on peut encore parler dans ce cas-là de légitime défense ? L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tartorie de Verviers dans son collimateur ? Là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo, elle repose à l'air libre. Ce sont les bactéries. Et puis le PS qui propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Vous dites oui ou vous dites non. 070 233 466 par SMS au 30 63. Et nous sommes à Tournai. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Jean a 66 ans. Il a été roué de coups. Les voleurs s'occupent du coffre. Il remonte chercher une arme. Pourquoi il remonte chercher une arme ? Ben, tout simplement, il remonte chercher une arme pour se défendre. Et moi, je lui donne entièrement raison. Vous ne voyez quand même pas, c'est un monsieur qui a 63 ans, qui a travaillé toute sa vie. On va aller lui prendre tout ce qu'il faut. Non, moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je donne entièrement raison au monsieur de 63 ans. Et je vais dire qu'il y a bien fait. Pour moi, il y a bien fait. J'entends que vous lui donnez raison, Gilles, de s'être défendu. Mais on parle bien ici de cette notion de légitime défense. La légitime défense, c'était censé être au moment T, face à l'action. Et là, il remonte chercher une arme. Et il redescend. Et il dit ne bougez plus. Ben oui, mais justement, si l'arme il l'avait sous la main, moi je suis désolé, l'arme il l'aurait quand même prise. Mais vous croyez, Benjamin, que si les jeunes avaient eu l'occasion de tirer sur le vieux, vous croyez quand même, enfin la personne âgée, pardon, vous croyez qu'il se serait gêné ? Non. Donc moi je crois qu'il a bien fait, parce que, et tout le monde devrait faire la même chose. Il y a cette phrase. Ce sont des gens qui sortent de prison, ils ne réintègrent même pas leur lieu carcéral, et ils se permettent d'aller voler chez les gens en ne faisant rien. Ce monsieur a travaillé toute sa vie, on lui prend ce qu'il y a. Non, je suis pas d'accord. Commentez cette phrase et dites-moi si c'est la bonne réaction. Alors donc Jean redescend, il dit au voleur ne bougez plus, là le voleur se retourne, il a dans ses mains une arme qui vient d'être dérobée dans le coffre et là Jean se dit c'était lui ou moi, je n'ai pas tiré avec l'intention de tuer. Ben oui, mais justement, donc si le jeune avait eu l'intention de tirer sur ce monsieur, ce pauvre monsieur, moi je pense que le jeune ne se serait pas gêné. Donc moi je donne entièrement raison au monsieur qui a tiré, et moi je vais vous dire que si j'étais dans ce cas-là, je ferais exactement la même chose, sans scrupule. Pourquoi ? Parce que ces gens qui commettent... Le jeune homme s'enfouillait. Moi ne sont pas payés. Le jeune homme s'enfouillait. Il était sur le mouvement de départ. Ah ben oui, mais il s'enfuyait. Pourquoi ? Il s'enfuyait comme un lâche, parce qu'il se sentait pris. C'est comme un rat qui est pris dans un piège. Moi, il se sentait pris, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'enfuyait. Et ben, le monsieur, il a pris ses responsabilités. Et moi, je vous dis franchement, je lui donne entièrement raison et je la valide totalement. Ok, c'est un total raison alors, Gilles, avec les éléments qui se sont mis en place dans cette situation et dans ce drame qui s'est déroulé à Soumagne hier. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane.

C'est souvent soit un accident de la vie, soit un accident en pilule, soit un accident tout court. Et 12 semaines ou 14 semaines, c'est beaucoup trop court pour prendre le temps de s'engager à long terme dans la maternité. Je pense que être maman, ça prend des années. C'est vraiment un choix de vie. C'est tout le quotidien qui est chamboulé. Oui, mais ce sont des stades de développement. Hein, 14 semaines, l'enfant peut plier les doigts, serrer les poings, il bouge les yeux, fronce les sourcils, peut même déjà sucer son pouce parfois. Oui, je sais, mais en même temps, c'est une maman qui n'est pas prête à le devenir, un couple qui n'est pas stable ou qui n'est pas dans cette projection-là, ou une femme qui a été violée, où il y a tellement de choses très très douloureuses à ce moment-là à accepter. C'est un choix pour 30 ans. Donc oui, effectivement, de toute façon, ce sera un drame et ce sera quelque chose de difficile à vivre. C'est une conversation sur le fœtus ou c'est une conversation sur le droit des femmes ? Je crois que c'est une conversation sur le droit des femmes. Je crois que je ne comprends pas comment certains peuvent interdire l'avortement. Je crois qu'à chaque fois, c'est un choix personnel, c'est un choix de vie. On n'oblige personne à avorter. Il n'y a jamais une obligation à avorter. C'est un choix de femmes qui sont confrontées à quelque chose de très difficile et très douloureux. Ah ben, il y a le choix personnel et puis il y a le choix de la société. Et une société peut décider de fixer une limite à tel ou tel moment. Les Pays-Bas ont dit 22 semaines, la Belgique a dit 12. Mais demain, elle sera peut-être à 14. Pas sûr, ça passera par un vote à la Chambre. Nous sommes au 070-233-466. Merci Dominique. Nous sommes maintenant à Petit Rochin. Michel, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre papa était boulanger. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur ? Il y a du lait cru et là-bas, il laisse ça à l'air libre. Écoutez, chez nous, la boulangerie était centenaire, 4 générations. Ils ont toujours fait de la même manière la tarte au riz. D'ailleurs, mes parents, mes grands-parents, ainsi de suite, allaient chercher eux-mêmes le lait à la ferme, dans la même ferme depuis autant de générations. Et donc ils ne la mettaient jamais au frigo ? Jamais, parce que déjà, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Et puis, ça a continué comme ça, jusqu'à la fin de la boulangerie de mon papa. Et jamais, aussi loin que je me rappelle, où j'ai entendu mes parents parler, personne n'est jamais venu se plaindre d'avoir été malade. Mais l'AFSCA, elle a dans le dos la réglementation européenne sur les pâtisseries fraîches. Il y a une réglementation européenne. Pourquoi Verviers devrait être une exception, alors qu'il y a une réglementation européenne ? Mais parce que c'est comme ça, et puis dites-vous bien que la tarte au riz, le lait est cuit, parce qu'on parle aussi des femmes enceintes, mais il y a 100 ans d'ici, les femmes étaient enceintes, et à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils avaient, les boulangers ? Une tarte aux pommes, une tarte au riz, il n'y avait pas... On dit ça à l'Europe, on dit parce que c'est comme ça. Mais parce que ça a toujours été comme ça, et je ne vois pas pourquoi on changerait la méthode de faire la tarte au riz. Maintenant, les crèmes fraises et toutes les nouvelles pâtisseries qu'on fait, c'est différent. Mais la tarte au riz, ça fait des centaines d'années qu'elle a été faite. Est-ce que c'est pas raisonnable ? L'AFSCA demande en fait à un institut flamand de recherche sur l'agriculture et la pêche un rapport. Donc l'AFSCA dit pas j'interdis. L'AFSCA dit je m'interroge et je demande un rapport. C'est pas de la saine prudence ? Mais non. Non ? Non, parce qu'il n'y a personne qui s'est jamais dit d'avoir été très malade ou quoi que ce soit, même hospitalisé avec une tarte au riz. Maintenant, vous mettez une crème fraîche qui est dehors, qui n'est pas au frigo, c'est différent. Mais je vous le redis, hein, c'est pas une j'entends bien, mais je vous le redis, c'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction. Donc, c'est donc une demande d'éclaircissement à un institut qui dira quelle est la bonne température de conservation, frigo, pas frigo, ou encore un troisième moyen qui apparaîtra. Michel, le poids de l'espoir, Petit Rochin, le poids de l'histoire. Dans un instant, à Carnion, Joséphine viendra nous dire si Jean, 66 ans, a bien fait de remonter chercher une arme, redescendre et tirer sur un voleur. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Krefel. Hein. Mais sur krefel.be, ouvert 24 heures sur 24, livré le lendemain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Bien, mais moi j'aime bien la viande quand elle est bien tendre. Eh bien, vous ne trouverez pas plus tendre que notre filet pur de porc, hein, monsieur Marc. Oh, notre filet pur de porc. Mais une viande comme ça, ça se mange tout seul, petit. Oui, mais franchement, à ce prix-là, ce serait dommage de la manger tout seul. Mais c'est une expression. Oui, je sais, mais quand même, on pourrait la manger à deux. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre excellent filet pur de porc est à seulement 9,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors! Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. Votre enfant découvre la lecture? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400€, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à Nocé-FM, sur la route de Huy-Warem ou JC, chaussée de Ton Gras-Rocourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Le spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, le PS propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Vous dites oui, vous dites non à ce propos. À ce propos, j'ai Véronique de Rochefort. Elle est pour l'allongement du délai de l'avortement. Elle a envie de dire stop à tous ces anti-avortements. Et elle ne supporte plus toutes ces femmes qui boycottent leurs droits. Et trouve ça grave qu'en Belgique, l'avortement soit pénalement considéré comme un délit. La femme a un corps, elle en dispose comme elle le souhaite. Véronique demande à toutes les femmes qui l'écoutent d'arrêter ce sentimentalisme stupide. Elle préfère avorter d'un enfant, qu'importe s'il a des doigts et s'il a des yeux, qu'importe, elle préfère avorter d'un enfant non voulu plutôt que de l'avoir et qu'il ait toute sa vie une vie misérable parce qu'elle ne l'a pas souhaité. Carnion est en ligne, Joséphine, bonjour. Bonjour. Les faits se déroulent donc à Soumagne. Deux voleurs dans la maison de Jean, ils tombent nez à nez à 5h du matin. L'homme est frappé, roué de coups, les voleurs sont dans le coffre. Et pendant ce temps-là, Jean va chercher une arme. Pourquoi? Ben, écoutez, moi, comme j'expliquais à la standardiste, nous avons été il y a quelques semaines victimes de cambriolage. On est entré chez nous, on n'a rien compris pendant la nuit et nous n'avons naturellement pas eu... être confronté à ce genre de situation. Joséphine, je reviens sur votre cambriolage dans une seconde, mais ma question est la suivante. Pourquoi oui. Jean, qui est au sol, battu, qui vient d'ouvrir un coffre, pourquoi il remonte chercher une arme? Mais je suppose que c'est un moment de défense et de rage, entre guillemets, parce qu'il se sent roué de coups, il ne sait pas si on va atteindre à sa vie, et d'un autre côté, il y a toujours le côté, disons, matériel frustrant. Quand on entre chez vous, vous vous sentez humilié, frustré, et etc. Moi, ce que je voulais surtout faire valoir, c'est je n'admets pas que l'on tire sur les gens. Mais moi, si j'étais descendue le jour où nous avons été cambriolés et que je me trouvais devant quatre malfrats qui me tapent dessus, qu'aurait dû faire mon mari s'il m'avait entendue? Joséphine, est-ce que la rage, ce sont les mots que vous avez utilisés, hein, est-ce que la rage, la frustration, l'humiliation, ce sont des bons conseillers quand on remonte chercher une arme? Non, ce ne sont pas des bons conseillers. Mais justement, si la loi était différente, si lorsqu'on attrape un malfrat, parce que je viens de recevoir le procès-verbal dans lequel on dit que mon cas a été classé sans suite parce que je n'ai pas le nom du voleur, il est clair que le voleur ne vous laisse pas sa carte de visite quand il vient chez vous. À ce propos, je voudrais faire une parenthèse avec vous. Joséphine, une parenthèse avec vous. Dans le cas qui nous occupe à Soumagne, le jeune homme de 26 ans qui a reçu la balle et qui est blessé, il avait été écroué à la prison de Marnef. Il avait bénéficié d'un congé pénitentiaire et voilà, n'était pas rentré à la maison. C'est à cela que je voulais en venir. Pourquoi est-ce qu'on les remet en liberté? Pourquoi est-ce qu'on les met en prison? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est mon opinion personnelle, mettre des gens en prison, c'est peut-être pas toujours la solution dans des délits de ce genre-là. On les met en liberté sous condition. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en liberté en leur faisant payer, c'est-à-dire que vous leur dites, voilà, une caution de autant en fonction du délit. Je vous assure que les parents du jeune de 22 ans, s'il avait été remis en liberté quand il a fait son premier délit, et qu'on avait dit aux parents, que ce soit vous, que ce soit votre fils, qui que ce soit, vous devez rembourser une somme de 20, 30 ou 40 000 euros. Il y a discussion là-dessus, Joséphine, on n'a pas affaire à un enfant ici. Hein. Le jeune homme a 26 ans. Alors il est sans doute le fils de ses parents, bien sûr, mais à 26 ans, on est adulte accompli. Et donc ici, avec congé pénitentiaire, il n'est pas rentré en prison. Joséphine, la thèse de la caution et de la sanction financière est la vôtre. Verlaine, maintenant. John, bonjour. Bonjour Benjamin. L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur? Une tarte au lait cru et on la met pas au frigo. Il y a danger ou il n'y a pas danger? Je vais dire oui et non. Maintenant, aujourd'hui, il faut régulariser dans toutes sortes de métiers. Peut-être qu'il y a une autre manière de réaliser cette tarte au riz pour qu'elle ait la même saveur, mais d'avoir une protection pour le consommateur. Donc Verviers doit réfléchir. Les pâtissiers wallons doivent faire un effort de réflexion. Pas un effort de réflexion, mais aménager leurs recettes afin qu'elles correspondent aux nouvelles normes de l'AFSCA. Oui, mais vous avez entendu tout à l'heure, on m'a dit c'est comme ça, Michel m'a dit c'est comme ça, et quand une recette c'est comme ça, on ne la modifie pas. Oui, aujourd'hui tout est modifiable. Hein. Pour garder le parfum, pour garder l'originalité de la tarte, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution qui pourra agréer l'AFSCA, le consommateur et l'artisan. Mais donc vous êtes curieux du résultat de ce rapport commandé à l'Institut flamand de recherche sur l'agriculture et la pêche? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, ils sont au taquet sur tous les métiers locaux et artisanaux. Et je pense qu'il y en a qui respectent les traditions et qui sont très bien, comme d'autres qui respectent moins et qui mettent peut-être la vie de certains en danger. Mais donc, l'AFSCA ne s'acharne pas. L'AFSCA joue collectif pour nous, les consommateurs. Je pense que c'est pour le bien de tous. Maintenant, il y a de l'abus dans beaucoup de choses aussi. Il peut y avoir de l'abus, ça je n'en disconviens pas. Mais il peut y avoir aussi matière à discuter pour justement ne pas arriver à ça. Donc je vous fais la même question autrement. Quand le pâtissier wallon vous dira « il n'y a pas d'autre recette, monsieur John, l'onctuosité, elle passe par pas de frigo », vous direz « il y a moyen de trouver autre chose ». Peut-être. Maintenant, je ne suis pas du métier, donc voilà, je ne peux pas dire oui ou non, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut trouver une solution. Si la conversation s'impose, nous verrons avec des pâtissiers wallons s'il y a moyen de trouver une autre formule qui passe par un frigo. À tout à l'heure après les infos. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. C'est Viva et il est 10h. Yasmina Favaro nous informe, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les trains circulent à nouveau sur deux voies entre Huy et Flémal. Quatre jours après l'accident de train à Saint-Georges-sur-Meuse, côté enquête, la boîte noire du train de voyageurs commence à livrer des infos. Selon le journal Le Soir, le conducteur de ce train aurait franchi un double feu jaune. Il aurait signalé qu'il l'a vu, mais il n'a pas freiné à ce moment-là, comme le veut la procédure. La locomotive a seulement freiné en voyant le train de marchandises au loin, trop tard pour éviter l'impact. Prenez vos précautions si vous devez prendre l'avion aujourd'hui à Charleroi. Il va y avoir une grève du zèle des policiers à partir de midi, ce qui veut dire que les contrôles vont prendre plus de temps que d'habitude. Ça pourrait engendrer de longues files pour les passagers. Une action des policiers pour protester contre le manque de personnel dans cet aéroport. Action de grogne aussi, ou plutôt toujours, dans les prisons. 46e jour de grève aujourd'hui. La CSC et la CGSP refusent toujours de signer l'accord du ministre de la Justice, Koen Gaens. Hier, ces deux syndicats ont fait des contre-propositions au Premier ministre. Ils ont revu leurs exigences à la baisse, mais c'est non pour Charles Michel. Le gouvernement a fait assez de concessions comme cela, a-t-il ajouté. Des assemblées générales des syndicats et de la base sont prévues dans les prochains jours. Objectif, voir s'ils poursuivent ou non la grève dans les prisons. En Irak, 22 morts et 70 blessés ce matin dans deux attentats à Bagdad, des civils et des militaires. Il s'agit d'un bilan provisoire selon la police. Une voiture piégée a tout d'abord explosé dans une rue commerçante. Ensuite, un kamikaze a lancé son véhicule bourré d'explosifs sur un barrage au nord de la capitale. Des attaques alors que les forces irakiennes essayent de déloger le groupe terroriste État islamique de la ville de Fallujah à l'ouest de Bagdad. Fans de foot, le décompte a commencé J-1 avant l'Euro. Les festivités commencent déjà dès ce soir avec l'inauguration de la Fan Zone à Paris, avec notamment un concert donné au pied de la Tour Eiffel. Demain, la compétition sera lancée avec le match du pays organisateur, la France, face à la Roumanie. Ce sera à 21h et il faudra attendre lundi pour voir les, avant de voir les Diables Rouges sur la pelouse. Ce sera face à leur premier adversaire, l'Italie. Et la météo, eh bien aujourd'hui du soleil et également du soleil pour demain avant un week-end de maussade nuageux. Les températures, elles, seront comprises entre 17 et 22 degrés. Et tout de suite, on part sur les routes pour faire le point sur vos conditions de circulation. On fait le point avec Stéphane Piedbeuf. Et toujours un accident qui implique un camion sur le 25 Liège-Bastogne à hauteur de Manet. La voie de droite est neutralisée en direction de Bastogne. Le dépannage est en cours, donc cela devrait se résorber dans les prochaines minutes. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe très bien, mais on va d'abord partir sur l'A54 qui relie Charleroi à Arken, où vous perdez 10 minutes entre Aubais et Petit-Reux en direction d'Arken. Je vous le disais, pour rejoindre la capitale sur l'ensemble des axes, ça se passe bien. La circulation s'est fluidifiée. Léger ralentissement, très léger sur le ring. En circulation intérieure, plus 12 minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Moins de 10 minutes à ajouter au temps de parcours en circulation extérieure du ring de Bruxelles entre Zaventem et Grand Bigard. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h04, le débat continue dans C'est vous qui le dites, toujours avec Benjamin Maréchal. Merci Yasmina, voici en direct la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 10h45, notre rendez-vous question qui dérange. Vu les dégâts liés aux inondations, y aura-t-il assez d'argent pour indemniser tout le monde dans le fonds des calamités de la région? C'est ça la question qui dérange, parce qu'il paraît que ce fonds n'est riche que de 10 millions d'euros et il paraît qu'effectivement, depuis 2-3 jours, toutes les communes se ruent pour avoir l'argent. Vous savez que lorsqu'une catastrophe naturelle se produit, les communes lésées peuvent effectuer une demande de reconnaissance de l'événement comme calamité publique. Il faut donc que les autorités acceptent de reconnaître les événements des derniers jours comme calamité publique, mais il faut en plus qu'il y ait assez d'argent dans les caisses pour pouvoir donner de l'argent à tout le monde. À ce stade, 16 communes ont déjà introduit une demande de reconnaissance et donc une demande d'argent auprès du gouvernement wallon. Oui, mais le fonds n'est riche que de 10 millions d'euros. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde? Dans ce dossier, Sophie Buzinaro, vous cherchez le bon interlocuteur. À ce stade, quelle piste suivez-vous? Alors, nous allons tenter de joindre René Collin, ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Ruralité. Il est surtout délégué de la représentation des régions, notamment lors de l'appel des citoyens et des communes au fonds des calamités. Bon, si c'est lui le chef, on nous dira s'il y a assez d'argent ou pas. On verra ce qu'il répond, si on l'a en ligne, bien sûr. En attendant, vos commentaires ou vos inspirations de questions sont attendus via Marion et Zoé au standard. Et ce commentaire, c'est Odile de la Roche-en-Ardenne qui nous laisse les fonds de calamité de 10 millions d'euros. C'est risible, c'est une évidence pour elle, il n'y aura pas assez d'argent. Les victimes des inondations risquent de se retrouver sans sous. Vu les dégâts inondations, y aura-t-il assez d'argent pour indemniser tout le monde? Les communes se ruent et il n'y a que 10 millions d'euros dans le fonds. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Hier à Soumagne, Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait après être remonté dans sa chambre chercher une arme. Après être remonté, est-ce qu'on peut encore parler de légitime défense? L'AFSCA a-t-elle raison de mettre la tarte au riz de Verviers dans son collimateur? Là-bas, la tarte au lait cru ne va pas au frigo. Elle repose à l'air libre. Hashtag bactéries. Et puis le PS qui propose d'allonger le délai d'avortement. Nos femmes pourront avorter jusqu'à 14 semaines. Vous dites oui ou vous dites non? Zoé, 3 débats au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur ce fait divers à Soumagne. Hier, Jean, 66 ans, a tiré et blessé un voleur en fuite. Avant de tirer, il a pris le temps de remonter dans sa chambre pour aller chercher une arme.

C'était lui ou moi. Voilà donc ce qu'a dit Jean Assoumane, 66 ans, au moment de tirer sur son agresseur. Vous avez souhaité cette conversation qui tourne autour de la légitime défense, qui tourne autour de l'intention, autour de la prise de risque. Mercredi, dans un domicile de Assoumane, à 5h du matin, Jean tombe nez à nez avec les voleurs, tabassé, roué de coups, attaqué au tournevis. Il permet aux voleurs d'ouvrir le coffre. Et là, pendant que les voleurs volent, eh bien Jean remonte chercher une arme avec 5 balles dans cette arme. Il redescend, dit ne bougez plus. Et là, alors que les voleurs sont en train de s'enfuir, l'un des deux voleurs se retourne. Il a une arme en main, celle qu'il a dérobée dans le coffre. Et Jean tire. Il a été laissé en liberté par les autorités. Autre élément dans ce dossier, c'est que le voleur, un des deux voleurs, 26 ans, celui qui a été lourdement blessé, devait normalement être à la prison de Marneffe. Il était en congé pénitentiaire, sans doute d'issue de presse liée aux mesures liées aux grèves des gardiens en ce moment. Il avait été remis en liberté pour profiter d'un congé pénitentiaire et n'était pas revenu en cellule. 070-233-466 par SMS au 3063. Liège est en ligne. Yves, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre position et puis on discute. Est-ce qu'on peut encore parler de légitime défense dans ce dossier où vous êtes un peu mal à l'aise ? Non, je ne suis pas du tout mal à l'aise. On doit surtout bien faire comprendre que la légitime défense doit être étendue et plus largement qu'elle ne l'est pour le moment dans notre législation, parce que tireur sportif, ce sont des armes de tir sportif et de défense, je le rappelle. Alors, Yves, on essaie de reprendre les éléments à un. Donc, les voleurs sont en train de voler. Jean a été tabassé, mais il remonte chercher une arme. Pourquoi il s'enfuit pas ? Pourquoi il remonte chercher une arme ? S'enfuir et quoi ? Il va laisser assassiner sa femme ? C'est le monde à l'envers. Donc ça, c'est le réflexe. Il monte et il va chercher une arme avec 5 balles dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une arme chargée de 5 balles ? Se défendre. À tout le moins. Mais alors, il y a des anomalies là-dedans. Parce que les magistrats, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Le gars, il a été libéré, là, le voyou, là. À congé pénitentiaire. Il l'aurait plagué pour de bon. Hein. Ça, c'est le système, congé pénitentiaire. On reçoit un congé, on revient dans sa cellule, plein de détenus, le fond, et ça se passe bien. Déjà, le tribunal d'application des peines, hein, il est en défaut par rapport à toutes les lois mondiales ici. Hein, ça commence à bien faire. Yves, je reste sur le comportement. On laisse ce détenu et l'auteur du vol en stand-by sans avoir les détails de sa libération. Pourquoi quand il remonte, Jean, pourquoi il ne s'enfuit pas avec sa femme ? Pourquoi il a la tentation de redescendre seul et d'aller s'opposer seul à deux hommes ? Parce qu'il a un courage assez exceptionnel, j'approuve. Et je l'admire, et il mérite une décoration pour défendre son bien et sa femme, et en même temps ne pas se faire assassiner. Il est à 100% en légitime défense. Courage ou inconscience ? Non, pas du tout d'inconscience. Là. Il sait que l'autre a 9 mm dans les mains et qu'il va revenir pour les flinguer, pour qu'il ne soit pas vu et recommencer ailleurs, non. Je vous dis ce que d'ailleurs... je comprends. Je vous dis ce que je comprends, Yves, sur base des éléments en notre possession. Donc, Jean dit ne bougez plus. Le voleur se retourne, mais Jean sait que le voleur a une arme prise dans le coffre. Mais sauf que Jean n'attend pas que le voleur soit complètement retourné, non. Il tire trois quarts de dos. Ben, il a raison. Trois quarts de dos. Il va pas attendre de se faire... C'est lui, il le dit bien, hein, le monsieur. Je le félicite. Hein. Trois quarts de dos. Et il l'a sauvé. Ben, trois quarts de dos. Mais trois quarts de dos, pas trois quarts de dos. Le gars va revenir. Hein. Il a une arme. Il a pas laissé sa carte de visite ou ces machins-là. Hein. Ils sont sur le point de partir. C'est moi, hein. Ils sont sur le point de partir. Les voleurs sont dans le moment, dans la séquence de fuite. Sur le point de partir. Ben, et alors, ça change pas là. Les coups qu'il a encaissés, tout ça. Il sait très bien, ce monsieur-là, que les voleurs vont revenir. Et les voleurs le savent bien. Alors qu'on cesse de jouer au chat et à la souris et à la tarte, à la tarte au riz. Moi, je vous donne les faits, uniquement les faits, c'est qu'on n'est pas dans un moment où les voleurs reviennent. Ça, c'est suspicion. Les faits, c'est qu'ils sont sur le chemin du départ. Et c'est à ce moment-là que Jean va les interpeller. Jean, sa femme ne sont pas blessés. Ça, c'est la bonne partie dans l'histoire. Vous êtes à Liège, donc, et pas du tout mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Un élément important avant d'aller plus loin et avant d'aller à Bénezet où nous attend Henri, Sophie Buzinaro, c'est l'éclairage sur les conditions légales de la légitime défense, car dans la loi belge, il y a des conditions précises. Alors, en effet, donc, pour rappel, la légitime défense, c'est donc l'usage immédiat et strictement nécessaire de la force pour repousser une agression envers soi-même ou envers autrui. Alors, ce qui veut dire qu'elle devient légale chez nous dans quatre conditions. Donc, l'immédiateté, la riposte doit se faire au moment de l'agression. Il n'est pas question de courir après son agresseur, comme ici l'aurait fait Jean, pour lui porter des coups par la suite. Dans le strictement nécessaire, la force utilisée doit être proportionnelle à l'agression. Se commet ou va se commettre donc l'agression. Il ne faut pas avoir pris le coup pour se défendre. La notion d'anticipation est donc autorisée. Et puis enfin, soi-même ou autrui, donc la loi s'applique également lorsque l'on défend quelqu'un, Benjamin. J'ai noté les mots-clés. Hein. Immédiat, strictement nécessaire, se commet ou va se commettre, soi-même ou autrui sont les mots-clés. Merci pour l'éclairage, Sophie. Benezet, en ligne. Henri, bonjour. Bonjour, Benjamin. Et le jeune homme de 26 ans qui faisait partie du duo de voleurs vient donc de votre commune. Henri, vous avez des armes à la maison ? Ah oui, j'ai un coffre fort avec plein d'armes. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai bloqué toutes mes fenêtres et mes portes avec des verrous. Mais j'ai quand même dans quelques meubles ici des armes qui sont prêtes à intervenir. Elles sont chargées et j'en ai une sur ma table de nuit. Bon, vous connaissez, alors, vous connaissez les conditions. Invité, vous savez qu'on ne peut pas tirer comme ça, il y a des conditions. Hein. Ouais, mais celui qui entre chez moi sans être invité, il va pas sortir vivant. Hein. Henri, je vous demande de commenter ce qui s'est passé à Soumagne dans le domicile de Jean. À 5h du matin, Jean entend du bruit, il descend. Mais là, apparemment, il descend sans arme. Ça, c'est normal ? C'est de la saine prudence ? Ou il aurait dû déjà descendre équipé ? Il devait être équipé. Si j'entends un bruit, parce que moi, je ne dors pas beaucoup, j'ai un sommeil très léger. Si j'entends un bruit, je suis tout de suite debout avec mon arme en main et j'attends voir venir. Un vol de coffre-fort, ça vaut une balle dans le corps ? Bah, il aurait dû flinguer les deux, c'était simple. Henri, on ne peut pas tuer dans ce pays, il y a des règles. J'entends bien que c'est votre propension, mais il y a des règles. Donc, je vous demande si un vol vaut une balle en fonction des lois qui sont les nôtres. Bah, écoutez, on a travaillé toute notre vie pour avoir des biens. Eh bien, vous venez les chercher, eh bien, moi je vous descends, et puis on n'en parle plus. Pourquoi moi. Ne pas s'enfuir ? Je fais du tir depuis des années. Pourquoi ne pas s'enfuir ? S'enfuir ? Ils sont deux. Ils dorment à l'étage, ces gens-là. Ils s'enfuient comment ? Par le toit. Donc ils sont calés. C'est pour ça qu'il y a usage d'armes, parce qu'ils sont calés. Non, parce que les voleurs ont trouvé une arme et ils l'ont prise. Donc, arme contre arme. Moi, je vous bousille, on n'en parle plus. Je vous demande un avis, Henri. On discute sans faire le procès à la place du procès. Mais si les voleurs étaient donc en train de partir quand Jean est redescendu, c'est qu'ils n'étaient pas sur le point de monter à l'étage. Pourquoi Jean et sa femme ne restent pas à l'étage ? Écoutez, ça, on n'en sait rien. Ah, mais ils sont dans une séquence de départ, de fuite. Tant pis. Il fallait pas venir. C'est un tant pis que vous m'avez donné à Benezet. Changeons de zone maintenant. Charleroi nous appelle. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. C'est de la folie d'être redescendu avec cette arme ou c'est autre chose ? Mais pour moi, c'est absolument pas de la légitime défense, comme j'ai dit à votre collègue, puisque bon, c'est tout à fait bien défini. Réaction proportionnelle et immédiate. Ce monsieur a le temps de remonter et prendre son arme. Donc, je ne dis pas que les voleurs ont bien fait, hein, attention. Hein. Mais immédiat, c'est quoi l'immédiat pour vous ? Parce que immédiat, l'action est toujours en cours. Donc, quand Jean remonte, ils sont toujours en bas. Oui, mais il n'est plus menacé de mort. Ah ben, ils sont deux, et dans le coffre, il y a une arme. Eh oui, mais là, jusqu'à preuve du contraire, lui, il n'a pas d'arme, donc il ne peut rien faire. Donc c'est immédiatement qu'il aurait dû avoir quelque chose sous la main, parce que quand on dit légitime défense, vous pouvez très bien avoir un crochet de boucher dans votre salon et le prendre et taper le gars. Et là, c'est de l'immédiateté. Bon, et la réponse est même proportionnelle, parce qu'un flingue contre un croc de boucher, entre guillemets, bon, ça, c'est de l'immédiateté, mais aller remonter en haut, chercher son arme et redescendre, ça n'est pas immédiat. Mais c'est défendre, c'est quoi ? C'est défendre sa femme, c'est aller au contact. Mais sa femme, je ne sais pas où elle était, donc j'ai pas entendu par rapport à sa femme où elle se trouvait. À l'étage. Elle est à l'étage, donc elle n'est pas menacée directement. Oui, mais ils sont en bas. Et voilà, donc elle n'est pas menacée directement. Oui, c'est bien ce que je dis. Elle est en haut. Bon, soit. Alors pourquoi redescendre ? Parce que sans doute qu'il a voulu leur faire peur avec son arme. en se disant que, ben oui, si je descends avec une arme, moi, peut-être que ce monsieur a l'habitude de faire du tir. Bon, moi, je fais du tir maintenant depuis quelques mois. Bon, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une arme à feu, et on ne peut s'en rendre compte qu'à l'instant où on a fait du tir. Avant ça, moi, je regardais la télé comme tout le monde, je voyais les films policiers, les grands héros et tout ça. Mais quand vous tirez avec une Winchester, par exemple, c'est l'arme avec laquelle je tire, quand vous tirez avec une vraie Winchester, un .30, je vous assure que ça déménage. Donc, une arme à feu, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, ici, on tire avec un 9 mm, 5 balles dans le barillet. Est-ce que c'est facile de viser avec un 9 mm, 5 balles dans le barillet ? Bah, 9 mm, c'est une petite arme, donc bon, ça doit aller, mais bon. Et les distances ne sont pas énormes. On est bien dans le domicile à ce moment-là. Vous avez l'expérience du tir. Chacun avec son expérience ce matin, mais vous êtes le premier de cette deuxième partie à estimer qu'on n'était plus là du tout dans le cadre de la légitime défense, là où Yves et Henri respectaient cette thèse-là. On va marquer une nouvelle pause et puis nous allons à Marchand-Famène. Hubert viendra analyser le comportement de Jean, un homme plein de courage, un homme fou, un homme qui prend tous les risques. L'analyse de Marchand-Famène, juste après ceci. Garage Dave et Fils, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Dave et Fils à Ouanzui, E40 sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Non seulement quand vous allez au casino de Spa, la chance peut vous sourire à tout moment, mais d'ici fin juin, vous risquez en plus de repartir au volant d'une Mini. Oui, plus vous passez au casino et plus vous avez de chances de la gagner, cette Mini. Trop facile. Casino de Spa, source de jeux depuis 1763. La grande finale de l'opération, c'est ce jeudi 23 juin. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan Bylance à Liège et à Serein. Du 3 au 11 juin, profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les dernières technologies Nissan. Nissan Bylance, boulevard de Douai à Liège et zoning de la Troque à Serein. Ouvert dimanche 5 juin. Nissan, innovation that excites. Qui va gagner ? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui ? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris ? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou au 02 413 25 00. Avec vivacité et l'avenir. Et au 070 233 466, comment est perçu ce monsieur de Soumagne, Jean, 66 ans, l'homme qui est redescendu? Il est perçu comme un inconscient, comme un héros, Zoé? Il est perçu comme un héros. Renée Dilbeck me l'a clairement dit, elle aimerait que Jean reçoive une médaille. Il y a aussi Malika de Neuchâtel. Malika le voit comme un héros dans le sens où il a eu le courage de remonter et de prendre cette arme, de défendre son logement. Il y a peu de gens qui auraient eu ce courage, selon Malika. Et ici, Jean est tout simplement quelqu'un qui en a, m'a-t-elle dit. Il y a eu Gaëlle de Fosse-la-Ville. Il considère que les petites gens sont toujours sujets aux agressions, aux vols, aux cambriolages et que souvent les enquêtes policières ne mènent à rien. Pour une fois, quelqu'un a osé prendre une arme, a osé se défendre et pour essayer d'interpeller le voleur qui lui a pris son bien. Alors bon, il s'agit de 5000 euros, ce sont des biens matériels, mais dans un sens, Gaëlle pense que c'est de la légitime défense parce que on a tout simplement des rentrées en infraction dans le logement de Jean et sa femme a dû être traumatisée. Gaëlle le dit, Jean est un héros, il doit être médaillé. C'est vous qui le dites, Marchand-Famène. Hubert, bonjour. Bonjour. Vous auriez pu, vous, remonter, aller chercher une arme, redescendre, dire ne bougez plus. Vous auriez pu ? Oui, et j'aurais fait avec plaisir. Parce que ce monsieur, c'est pas l'ennuyer qu'on doit faire, c'est le décorer. Attendez, quand vous dites je l'aurais fait avec plaisir, vous sous-entendez que Jean ne s'est pas défendu. Vous sous-entendez qu'il a eu envie de faire quelque chose. Je n'ai pas défendu, sûrement pas. Mais je veux dire que j'aurais fait la même chose que lui. Pas avec plaisir, je me suis un peu mal exprimé, mais je trouve que c'est normal on vient chez vous et vous, vous devriez vous laisser faire. Madame Urquelings a retiré les armes aux honnêtes gens, mais n'a pas désarmé les bandits. Mais on pouvait, avec un revolver en main, dire « Arrêtez-vous, j'attends la police ». On pouvait dire avec un revolver « Partez ou je tire ». Mais là, on a tiré. Mais vous pensez qu'ils auraient suivi? Moi, je ne crois pas. Tirer trois quarts de dos. Trois quarts de dos, trois quarts, mais bon, dans le noir ou dans la nuit, ce n'est pas tellement évident. Hein. Pas évident de voir ça. Hubert, il y a une autre possibilité, je vous la soumets, vous me dites oui, vous me dites non. On pouvait remonter à l'étage, sachant que sa femme est là, prendre l'arme qui est cachée à l'étage et se calfeutrer avec madame. Se calfeutrer oui, avec une arme en main en attendant que la police arrive. Oui, ben la police, elle arrivera qu'il sera déjà parti. Moi, j'ai vieux copain qui s'est fait tuer à Beauray par des bandits. Il était lié sur une chaise. Et pour 75 euros, on l'a laissé mourir sur la chaise. Oui, mais le travail d'interpellation, c'est celui de la police, normalement. Oui, mais la police ne sait pas être partout. Mais la dame, la femme de Jean qui est à l'étage, était en train d'appeler la police. Elle pouvait l'appeler, il n'aurait pas arrivé à temps. La légitime défense, elle tient la route dans ce cas-ci ? S'il vous plaît. La légitime défense, ça tient la route ou vous êtes un peu mal à l'aise avec cette notion-là? Non, je trouve qu'elle tient la route. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire, s'ils vont revenir, s'ils vont repartir, on ne sait rien avec eux. Ils sont imprévisibles. Donc il fallait tirer. Pour moi, il fallait tirer. Sauf que les gars étaient en train de partir. Peut-être, mais est-ce qu'ils n'allaient pas revenir après ou on ne sait pas ce que c'est? On ne sait pas, j'ai jamais eu le cas, mais je viens toujours sur le même truc. Le fermier de Beauray qui a été assassiné sur sa chaise, qu'on a laissé mourir sur sa chaise, ça, on s'en fout. Pourquoi des voleurs qui ont tout pris? Pourquoi des voleurs qui ont tout pris, qui ont vidé le coffre, qui partent avec 5000 euros, 3 GPS, un pistolet, des documents, pourquoi ils reviendraient? Bon, ben, on ne sait jamais avec eux. On a aucune ils sont imprévisibles. Imprévisible, c'est pour ça, Hubert, je note ce mot-clé. Imprévisible, sauf qu'ils étaient dans un moment de fuite, mais on ne sait jamais. Nous sommes au Roux. René, bonjour. Bonjour, Benjamin. Le Roux ou le Reux? Vous êtes où exactement ce matin? Je suis à Le Roux. Le Roux, ok. René, pourquoi les voleurs seraient revenus, en supposant que la thèse d'Hubert soit bonne? Pourquoi ils seraient revenus? Ils ont 5000 euros, 3 GPS, des documents. Pourquoi il serait revenu 58 fois dans ma friterie en vol de nuit et 3 braquages? Vous aviez une friterie? Où ça? À Gilly, à Gilly. Et j'ai passé dans les journaux, vous avez fait un RTL et tout ça, parce que je me suis défendu. Mais c'est peut-être pas les mêmes, René. C'est peut-être pas les mêmes. C'est sûrement pas les mêmes, hein, sûrement pas. Mais le problème, il est là. Si on ne se défend pas un petit peu soi-même, ils foutent le camp. Et on ne les revoit pas en prison. Moi, avec le fait que je me suis défendu, ils ont été attrapés parce qu'ils ont dû se faire soigner aussi. Alors, ils ont été 5 mois en prison. Ça ne me soulage pas beaucoup, mais ça fait du bien quelque part. Maintenant, pourquoi ils ont été en prison? René, parce une chose, je vous ramène à Soumagne 2 secondes. Donc les voleurs arrivent, Jean tombe nez à nez avec eux. Là, il n'a pas d'armes. Mais donc, vous voyez la séquence. Donc, Jean est tabassé au sol. Les voleurs disent « ouvre le coffre ». Il dit « je ne peux pas ouvrir le coffre, je n'ai pas de lunettes ». On trouve ses lunettes, on lui lance les lunettes. Il ouvre le coffre. Là, les voleurs volent, ils remontent, ils cherchent l'arme, ils redescendent. On n'est plus dans la simultanéité, là. Non, d'accord. Mais le problème, il est là. Quand vous avez eu plusieurs fois la quinte, ça devient compliqué. Moi, j'ai eu cette quinte-là. Ma femme a été tabassée aussi dans la friterie. Moi, j'étais plein de sang. J'ai pris une louche de graisse dans la friteuse. Je l'ai poursuivi un des deux. Je lui ai balancé plein la gueule. Excusez-moi l'expression, mais je n'ai que cette expression-là à donner. De ce fait-là, j'étais sur le chemin. Hein. Permettez-moi de stopper la comparaison. Vous êtes un frituriste agressé 58 fois. Là, c'est un particulier une fois. Ouais. Donc je vous repose la question, est-ce qu'on est bien dans la légitime défense à Soumagne, d'après vous? D'après la justice, oui, hein, il est libéré. Pour moi, en grande partie. En grande, grande partie, et comme le monsieur a dit, une petite médaille lui ferait du bien à ce monsieur qui s'est défendu. Donnez-moi un avis, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Le voleur de 26 ans, celui qui a été lourdement blessé, il était en prison normalement, à Marnef, il a reçu un congé pénitentiaire. On l'a libéré parce que c'est compliqué en prison. Et au lieu de revenir, au lieu de revenir en prison, il a été faire un cambriolage. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ben, il continue son business, hein, monsieur, quand il est dehors. Donc c'est ce qu'on appelle le business as usual. Vous êtes ce matin le roux, René, cette expérience donc du cambriolage. Il est 10h32. C'est l'heure de la proportion avant d'aller sur les routes. Zoé, on vient chez vous d'abord. Dans les appelants de ce matin, combien estiment que les gardiens de prison sont responsables de ce vol? Et 64% pensent que ce vol hier à Soumagne relève de la responsabilité des gardiens de prison. Une idée qui peut surprendre, mais voilà, ces voleurs n'auraient jamais été en liberté s'il n'y avait pas eu la grève des prisons. Les voleurs n'auraient pas récidivé s'ils étaient restés derrière les barreaux. Donc, c'est la ça relève de la responsabilité des gardiens de prison. Et maintenant, nous y sommes. RTBF Mobile Info. Stéphane. Et toujours ce camion qui est en train d'être dépanné. Nous sommes sur le 25 entre Liège et Bastogne à hauteur de Manet. Mais vous le constatez, c'est vert. Il n'y a plus de fil à cet endroit. Pour rejoindre la capitale, vous êtes légèrement ralenti sur le 40 qui vient de Gand entre Ternat et Grand Bigard. Pour ce qui est du ring de la capitale, vous êtes ralenti entre Grand Bigard et Wemel vers Zaventem, ainsi qu'à Bruxelles dans le tunnel Louise en direction de la Basilique. Également dans le tunnel Reyers vers Montgomery et dans le tunnel Georges-Henri vers la Cambre. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Vu les dégâts provoqués par les inondations, y aura-t-il assez d'argent pour tout le monde dans le fonds des calamités de la région? D'abord, il paraît qu'il n'y a que 10 millions dans les caisses et il paraît aussi que les communes sont en train de se ruer pour avoir l'argent. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde? J'attends un nom après la pause. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze, bien acheter, bien manger. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, ça, on est fou. On part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour, c'est Christian Benteke. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Week-end de porte ouverte les 11 et 12 juin chez votre concessionnaire Lana. Trois nouveaux modèles à découvrir. Lana, choisissez parmi 5 marques. Boulevard Zénogramme 33 à Herstal. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Inutile de vous expliquer les dégâts des inondations ces derniers jours. Eh bien, vu les dégâts, la question qui dérange est la suivante. Y aura-t-il assez d'argent pour indemniser tout le monde dans le fonds des calamités de la région? Donc, quand il y a catastrophe naturelle, les communes lésées peuvent demander une reconnaissance de l'événement comme calamité publique. Cette demande est évaluée par le Centre régional de crise. Et puis, il y a argent. Sauf qu'on apprend que les communes, forcément, sont en train de se ruer. 16 communes ont déjà introduit une demande de reconnaissance auprès du gouvernement wallon pour obtenir une aide de ce fameux fonds calamité, qui n'est doté que de 10 millions d'euros. Question qui dérange, est-ce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde? Sophie Buzinaro, depuis ce matin, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous proposer? Alors, vous parlerez à André Bouchat, le bourgmestre de Marchand-Famenne. Sa commune a été particulièrement touchée par les inondations. De nombreux champs ont été dévastés et de nombreuses caves, de nombreux citoyens touchés. Il va donc faire appel au fonds des calamités pour leur venir en aide. En attendant, j'ai tenté de joindre René Collin, donc le ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Ruralité. invité. Malheureusement, il ne sait pas nous accorder quelques minutes de son temps, étant donné qu'il est en réunion durant le même horaire que notre émission. J'ai cependant réussi à récolter quelques informations. Alors, le Fonds des calamités dispose, comme vous l'avez dit plusieurs fois, de 10 millions d'euros. Et ses revenus se basent sur la taxe des contrats d'assurance. Ce sont ces revenus qui font partie du fonds. Il y a deux sortes de calamités, c'est important à savoir. Les calamités publiques, donc les phénomènes naturels exceptionnels qui provoquent des dégâts comme les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, et les calamités agricoles. Et ça, ce sont les phénomènes naturels exceptionnels ou encore les maladies qui provoquent des pertes comme par exemple la sécheresse, la peste, la porcine, etc. Alors les gens ont trois mois, donc les citoyens ont trois mois pour remplir leur dossier au moyen de formulaires officiels et pour demander l'intervention du Fonds des calamités, Benjamin. Bon, vous pouvez influencer la conversation si vous connaissez bien ces questions d'assurance, ces questions d'intervention du Fonds des calamités qui a peut-être déjà agi pour vous ou pas d'ailleurs. Vous pouvez laisser votre commentaire à Zoé au standard. Et ce commentaire de Jean-Louis de Jodogne, c'est dingue pour lui de penser qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde. Évidemment que les 10 millions d'euros ne vont pas suffire. S'il y a aussi peu d'argent dans ce Fonds de calamités, c'est parce que les assurances n'ont pas été assez taxées, selon Jean-Louis. Bon, on soumettra tout ça tout à l'heure au bourgmestre de Marchand-Famenne, qui est donc pas le responsable du fonds, mais qui a fait appel et qui doit sans doute connaître le mécanisme comme personne. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce qui s'est passé hier à Soumagne. Jean, 66 ans, a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait, mais après être remonté dans sa chambre chercher une arme. Est-ce qu'on peut encore dans ce cas-là parler de légitime défense, oui ou non, au 070-233-466 par SMS au 3063. Notez que Jean, 66 ans, a été laissé en liberté par les autorités qui estiment qu'on est effectivement dans ce cadre-là, même s'il y a enquête. Le voleur, un des deux, celui qui a été blessé, 26 ans, était écroué à la prison de Marnef en congé pénitentiaire. Il n'était pas rentré en cellule et se trouvait donc dans le domicile de Jean, qui est remonté chercher une arme et qui est redescendu. 070-233-466, nous sommes à Fleurus. Jean-Francis, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez déjà été cambriolé dans votre vie, vous? Oui. Où? On est déjà venu voler chez moi, mais j'étais pas chez moi à ce moment-là. Quand je suis rentré, on avait volé tout ce qu'il y avait d'importance, on va dire, et on avait tout foutu ma maison en l'air. Mais j'étais vraiment enragé. J'aurais eu ces gens-là devant moi. Je les aurais tués sans réfléchir, sans rien. Je comprends cet homme-là. Qu'est-ce que vous sous-entendez alors? Qu'un Jean peut être à ce point enragé qu'il va chercher une arme, pas pour se défendre, mais pour tirer volontairement? C'est même pas enragé. C'est se sentir humilié d'être, presque impuissant contre ce qui s'est passé. Et que, je crois pas qu'il a pensé à ce qu'il faisait. Il a été chercher l'arme, il est sorti, et il a fait ce que, tout homme ou toute personne aurait fait pour garder son bien, et comme il était meurtrier. Ah, il y en a qui auraient pu s'enfuir. Ah, il y en a qui auraient pu monter ce calfeutré et protéger leur femme. Oui, mais tout dépend des caractères des gens. Vous êtes de ceux qui redescendent et qui tirent. Ah, moi, j'aurais descendu, j'aurais été chez moi une arme, je n'en ai pas, j'ai que des couteaux, tout bagarre, cachés à gauche, à droite, mais je garantis que je les aurais zigouillés, je suis désolé, ils rentrent chez moi. Jean-François, sachant que la loi empêche de zigouiller et que la légitime défense répond à des règles, est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscience là-dedans? Remonter, chercher une arme et redescendre, alors qu'il y a une dame, il y a une madame qui est là et qui attend, c'est pas un peu inconscient? Justement, oui, mais la madame, elle est dans la chambre, elle est protégée. Qu'est-ce qui se passe si Jean est abattu? Qu'est-ce qui se passe? Madame est à l'étage. Mais lui, déjà, je dis franchement, il se sent humilié, il se sent vraiment comme si tout tombe sur sa tête. Et je pense qu'il voit rouge et que c'est la première chose qu'il pense, c'est d'aller chercher quelque chose pour soit se défendre ou même aller chercher les gens qui lui ont fait du mal. J'entends bien, mais je vous pose la question. Heureusement, ça ne s'est pas terminé comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si Jean est abattu? Madame est à l'étage. Ouais, ah ben ça, on n'y pense pas. Je crois que le monsieur n'y pense pas. Et c'est un réflexe de certains êtres humains. Je veux dire qu'il a été tabassé aussi. En plus, il faut bien dire aussi qu'il n'a pas eu qu'une gifle. Il a quand même été tabassé. Ah, quand il arrive à 5h du matin et qu'il tombe d'un nez avec les deux hommes, il est frappé avec un tournevis, jeté au sol, roué de coups. Les voleurs lui demandent d'ouvrir le coffre-fort. Il dit « Je peux pas, j'ai pas mes lunettes ». On trouve ses lunettes, on les lui balance. Il finit par ouvrir le coffre-fort et c'est à ce moment-là qu'il le monte. Jean, vous m'avez parlé, Jean-Francis, vous m'avez parlé d'humiliation, d'impuissance et de rage. Où fait maintenant ? Nathalie, bonjour. Bonjour. Il y a un petit consensus qui se dessine autour de la légitime défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Pour moi, il n'est pas légitime défense. Il est en quoi, alors ? Pour moi, imaginez, il remonte, alors oui, ben, il descend, il tire. Imaginez que c'est lui qui est tué et que le voleur monte et qu'il tue sa femme. Il fait quoi ? Il y a deux personnes qui sont tuées à ce moment-là. Ah ben, je viens de poser la question à Jean-Francis qui m'a dit, écoutez, dans ces cas-là, ben oui. il faut agir, monsieur. Il faut agir, il ne faut pas réfléchir. Il y a des systèmes d'alarme pour protéger les maisons. Oui, ben là, plutôt que d'investir dans les armes. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans le système d'alarme ? Qu'il y ait eu alarme ou pas, peu importe, les voleurs sont dans le domicile. Mais oui, mais s'il y aurait une alarme, les voleurs ne seraient pas dans le domicile. Nathalie, c'est un inconscient, Jean, ou c'est un héros ? Certains veulent lui donner une médaille. Non. Pour moi, c'est un inconscient. Vous reprenez la médaille ? Pardon ? Vous reprenez la médaille, ou vous ne la lui donnez pas ? Non, je ne la donne pas. Vous pouvez au moins comprendre ce sentiment de rage, d'humiliation, chez moi, dans mon domicile, mon coffre-fort, allant jusqu'à m'humilier, me tabassant. Ça peut générer un sentiment. Oui, je peux comprendre, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des personnes investissent dans des armes plutôt que d'investir dans des systèmes d'alarme pour protéger leur maison. Prendre une arme à feu et tirer sur quelqu'un, enfin, je ne sais pas, moi, mais... Les alarmes empêchent les voleurs ? Bien sûr. C'est une certitude, et vous êtes à ouffer, donc, pour le dire. Nathalie, ce n'est pas de la légitime défense, vous êtes un peu isolée dans la conversation ce matin, pour tout vous dire. Quoique, au 070-233-466, Zoé à l'instant, Jean traité de cow-boy. Oui, et cette idée, c'est Henri de la Louvière qui nous l'a donnée. Pour lui, c'est une évidence, Jean a voulu jouer au cow-boy, aller chercher son arme, prendre le temps de monter les escaliers pour tout simplement menacer le voleur. C'est une ineptie, le vol avait été fait, le coffre-fort avait été fracturé, et les voleurs partaient, ils n'étaient donc plus en danger. Henri ne comprend pas pourquoi il est allé chercher Jean est allé chercher cette arme. De toute façon, l'assurance l'aurait remboursé. Il suppose que Jean doit avoir une assurance, puisque quand on a un coffre-fort chez soi, c'est qu'on a des choses, des biens à protéger. Dans ce cas-là, l'assurance fait effet. Henri pense que Jean a regardé trop de séries policières, trop de westerns, et qu'il ne s'est plus senti quand il a vu ses voleurs. Pour lui, c'est de l'orgueil. C'est vous qui le dites, État Jurbis. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Et donc, bonjour, Jean a été laissé en liberté. Est-ce que la justice envoie un bon signal ou la justice est en train de nous dire que la notion de légitime défense peut être estimée de manière plus ou moins restrictive ? Oui, pour moi, c'est de la légitime défense, hein, ce qu'il a fait. Donc, il fallait le libérer. Il a des devoirs d'enquête. Fallait le libérer. Le libérer, ben, il y a des devoirs d'enquête actuellement pour voir si c'est vraiment légitime défense. Et les devoirs d'enquête vont nous le dire s'il y a légitime défense. À mon sens, s'il s'est retourné, le voyou s'est retourné à trois quarts, a été tiré, Jean lui a tiré dessus à trois quarts d'eau, ça veut dire que le voyou est en train de se retourner, probablement avec une arme. À ce moment-là, c'est légitime défense. Oui, mais il n'était pas retourné. Donc Jean se dit, s'il a pris dans mon coffre-fort, il a sans doute trouvé l'arme et donc il doit avoir l'arme. Et il voit le voyou s'enfuir, il voit le voyou, il lui a tiré de trois quarts d'eau, ça veut dire qu'il se retournait. Si c'est trois quarts d'eau, s'il ne se retournait pas, ce serait en plein dans le dos qu'il l'aurait tiré. Il se retourne parce que Jean crie ne bougeait plus. Jean oui. aurait pu le laisser partir. Il se retourne parce que Jean lui dit arrêtez-vous, ne bougez plus. Il se retourne avec une arme en main. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et Jean doit attendre une seconde plus tard. Il aura attendu une seconde. Peut-être qu'il était mort, Jean. Oui, attendez, permettez-moi de faire tous les scénarios, puisqu'on en discute. Permettez-moi de faire tous les scénarios. Jean pouvait rester à l'étage et il aurait vu au loin les voleurs partir. Et il restait combien de temps ? Ah oui, il l'aurait vu au loin. Peut-être bien qu'il l'aurait vu. Il faut voir où se situe la chambre par rapport à l'avant de la maison, par rapport à la fuite possible des voyous. Oui, mais redescendre. Peut-être qu'il aurait pu voir dans la chambre, peut-être pas. Redescendre, ça veut dire aller au contact. Redescendre, aller au contact s'ils sont toujours là, et pas au contact s'ils ne sont plus là. Mais pourquoi aller au contact ? Pourquoi aller au contact ? Parce qu'il faut bien redescendre à un moment donné. Eh bien, redescendons quand la police est là, madame a appelé la police. Oui, on peut redescendre quand la police est là, comme on peut aussi penser que les voyous vont monter avec l'arme. Ils vont peut-être monter aussi avec l'arme et tuer Jean et son épouse. Oui, sauf que là, que disent les faits ? Que les méchants sont en train de partir. Ils n'étaient pas en train de monter l'escalier, ils étaient en train de partir. Et c'est Jean qui les interceptent. Il les a vus, à ce moment-là, il les voit partir. Qu'est-ce qu'il dit ? Arrêtez-vous ! Et là, le type se retourne, le voyou se retourne. Donc, il se retourne avec une arme en main. Ben, Jean peut penser qu'il va me faire tuer. Donc, à ce moment-là, c'est de la légitime défense. Mais si Jean est tué, avec l'arme. Jean va s'exposer, il est tué. Quid de madame ? Effectivement, mais... Elle est à l'étage. Dans le même cas, c'est le même cas que s'il avait sorti à couteau de boucher au moment où il était agressé, tabassé à coup de tournevis, au moment où il avait prise de risque. Prise de risque. Il a 66. Mais prise de risque dans tous les cas où on se défend. Dans tous les cas où on se défend, vous vous faites agresser par quelqu'un, vous vous défendez, ce quelqu'un peut vous tuer. Ah, c'est donc, ça le risque, effectivement, d'où l'intérêt peut-être de se calfeutrer. Bref, on a fait toute la conversation, Jean-Philippe. Question qui dérange après la pause. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour indemniser tout le monde après les inondations ? La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Exclusivité RTBF. Dans une semaine, nos diables seront à l'euro. Enflammez le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Il n'y a que 10 millions dans le fond des calamités après toutes les inondations, alors que toutes les communes se ruent. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde ? On appelle le bourgmestre de Marchand-Famenne dans une seconde. Dernier commentaire, Zoé. Ce dernier commentaire, c'est Anne de Vizé qui nous le donne. Il n'y aura sûrement pas assez d'argent pour rembourser toutes ces pauvres personnes, d'accord ? Mais qui va alors sortir l'argent ? La commune, peut-être ? C'est la question qu'elle vous demande de poser à André Bouchat, Benjamin. Vous êtes donc le bourgmestre de Marchand-Famenne. André Bouchat, bonjour. Bonjour. Très rapidement, l'état de votre commune ce matin, est-ce qu'il y a encore des points noirs en matière d'inondation ? Tout est nettoyé ? Non, le soleil est arrivé, il n'y a plus de points noirs. Nous avons eu deux inondations le 2 juin sur Hont et Argimont, deux localités de la ville de Marche, et puis le 7 juin sur Aille et Humay. Vous avez donc fait appel au fonds des calamités. Expliquez-nous le principe tant qu'on nous vous a en ligne. Nous faisons appel au fonds des calamités. Pour le moment, il y a une cinquantaine de dossiers d'introduits, mais les dossiers de Haye, comme c'était il y a un jour ou deux, ne sont pas encore tous parvenus. Nous essayons de les regrouper. On avait donné ordre aux pompiers de reprendre les numéros des maisons. Donc voilà, il y a tout d'abord se retourner vers son assureur pour les biens mobiliers et immobiliers. Le fonds des calamités concerne surtout l'extérieur. Intervient dans un deuxième temps. Alors pour que le fonds des calamités intervienne, il faut qu'on reconnaisse ce qui s'est passé comme étant calamité publique. Est-ce qu'on est, d'après vous, sur votre territoire à Marchand-Famenne, au-delà des 30 litres par mètre carré en une heure, ou, c'est ce que disent les règles, ou au-delà de 60 litres au mètre carré en 24 heures ? On est bien au-delà des règles, le fonds des calamités. Nous le sollicitons en connaissance de cause avec tout un reportage photo. J'ai été des deux inondations jusque bien tard dans la nuit avec des gens merveilleux de la commune, les pompiers, enfin bref. toute une série de bénévoles. Ça, il n'y a pas aucune difficulté à le prouver. Je signale quand même, puisque vous me donnez l'antenne à court moment, que les personnes qui bénéficient d'une intégration sociale, eux pourront bénéficier, s'ils le prouvent, qu'ils sont donc minimaxés, etc., pourront bénéficier du fonds de calamité. Donc c'est une information importante. Bien assuré. Alors on nous donne un montant ce matin. On nous dit que dans ce fonds, la région a 10 millions. Il y a 5,5 millions pour les calamités publiques, 4,5 millions pour les calamités agricoles. Vous qui avez l'expertise et l'expérience, est-ce que 10 millions, mais donc divisé en deux, est-ce que c'est un montant qui sera suffisant pour aider l'ensemble des communes wallonnes? Il y a déjà 16 communes qui se sont manifestées, il y en aura sans doute d'autres. Non, c'est beaucoup trop peu, mais ça je n'ai pas une expertise pour tout le territoire wallon, quand je vois ce qui se passe du côté du Hainaut, etc. Mais je pense qu'ils vont, que le Premier ministre wallon s'est déplacé, ministre-président, dans notre région. Je pense qu'ils ont conscience que c'est vraiment dans des localités différentes, mais en de nombreux endroits. Mais il vous a dit qu'il allait libérer des fonds supplémentaires? Parce que vous me dites que 10 millions, ça a l'air trop juste. Je ne l'ai pas rencontré, je dois vous dire. Mais ça m'étonnerait qu'il ne libère pas des fonds. Et c'est à eux de juger. Nous, personnellement, si on peut faire quelque chose, on le fera. Mais je peux vous dire que les assurances, d'habitude, indemnisent à peu près tout. Donc il y a assurance, puis il y a fonds des calamités, c'est un peu juste au niveau du budget. Donc la porte d'après, c'est vous, commune, vous allez libérer de l'argent pour les habitants de Marchand-Famène? Nous verrons ce que le fonds des calamités et des assurances va faire. Je ne peux pas prendre une promesse démagogique comme ceci. Tout est en fonction de la connaissance du dossier et c'est trop tôt pour en juger. Vous attendez une réponse du fonds des calamités dans quel délai, dans quel horizon? Oh, ça vous savez, le fonds des calamités, c'est une calamité en soi-même, hein, parce qu'il faut du temps pour y répondre. J'ai été victime moi-même du fonds des calamités, je crois que j'avais attendu 3, 4, 5 ans. Maintenant, je ne vais pas cracher dans la soupe, je vais voir combien de temps ils vont mettre pour réagir. Mais comme je suppose que ça frappe toutes les régions à peu près de Liège, du centre Ardenne, de l'Ardenne, du Namurois, etc., qui aura une volonté parlementaire, tout parti confondu, pour accélérer le rythme. Donc c'est pas, on est d'accord là-dessus, ce n'est pas une aide urgente, c'est pas comme ça qu'il faut envisager cette manne d'argent-là. C'est une aide urgente, mais les assurances sont là pour la première aide urgente. Et vous le savez très bien, je vous félicite de la manière dont vous me posez la question, parce que vous avez presque l'air de me demander de fustiger la région wallonne. Ah donc je vous demande quel est le délai, puisque d'autres, dans d'autres communes que la vôtre, se demandent à quelle sauce ils seront mangés. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes le bourgmestre de Marchand-Famène, André Bouchet, donc concerné, puisque à l'initiative pour votre commune, comme d'autres bourgmestres sont à l'initiative. On marque une pause et on va vers les enseignements de ce jeudi matin. Prendre à diriger au Green, de jeudi à dimanche, toute la journée. Profitez de moins 20 à moins 50% sur tous les articles en stock. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions en magasin. Jardinerie au Green à Saint-Georges, autoroute 242 sortie 5. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. au-green.eu. À découvrir chez Constant Warem, la toute nouvelle Abarth 595. La performance est à portée de main. Admirez ses nouvelles lignes musclées et son moteur gonflé lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Ce 11 juin, c'est le beau samedi de Robert. Rendez-vous à l'IPES de Warem et choisissez votre randonnée à vélo 83 123 km ou la balade familiale de 20 km. Dès 11h, animation gratuite pour enfants et ados. Et pour tous, la grande fête, le barbecue dès 18h. Ce 11 juin à l'IPES Warem, entrée rue de Huy. Infos et inscriptions au 019 32 22 60. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Grande braderie chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée et des promos exceptionnels sur le mobilier de jardin. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cava de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, 2 nectarines, 2 kiwis, d'orange et 1 ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Les matous exigeants, les toutous gourmands, tout le monde est content. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Y aura-t-il assez d'argent pour tout le monde dans le fonds calamité publique? Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Et vous êtes 36 810 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et ce commentaire de Sylvie, vu que le fonds de calamité n'intervient que pour les personnes non assurées et les personnes qui jugeraient le remboursement des assurances trop maigre, elle estime que oui, les 10 millions du fonds de calamité seront suffisants. Elle écrit que les personnes touchées par les inondations ne doivent pas espérer toucher le pactole. Vous avez souhaité une conversation sur Jean à Soumagne hier. Cet homme de 66 ans a tiré et blessé le voleur qui s'enfuyait, mais après être remonté dans sa chambre, cherchait une arme. Vous avez quasi à l'unanimité ce matin acté qu'il s'agissait bien d'un acte de légitime défense à 2-3 appels près. Sur le sentiment qui animait Jean, une large conversation, vous avez estimé qu'il était animé par un désir de vengeance, de la colère, de l'humiliation, ce qui l'a sans doute poussé à prendre cette arme pour agir. Sur sa redescente, si Jean redescend, ce n'est pas par imprudence, avez-vous dit, mais c'était sa manière de clore l'action en s'assurant définitivement de la fuite des voleurs avant le retour de la police, et puis la vie éclairée de ceux qui ont déjà été victimes de cambriolage. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Alain Flemal, il a été cambriolé il y a 3 ans, en pleine nuit. Il n'a pas subi de coup, mais il s'est retrouvé en face de ses assaillants. La seule arme qu'il a eue, c'est sa voix. Alain a pris la plus grosse de ses voix et il a crié. Ça suffit pour faire fuir les cambrioleurs qui se sont carapatés. Jean aurait pu essayer de faire peur à ses voleurs avant d'aller chercher son arme. Pour Alain, l'ancien militaire, l'utilisation d'une arme à feu en cas de cambriolage est proscrite. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur le sexagénaire qui remonte chercher une arme et tire. C'était lui ou moi parmi les moments de ce matin. Il y a eu Yves de Liège à 10h15. Il soutient Jean à 100%. Oui, c'était de la légitime défense. On doit surtout bien faire comprendre que la légitime défense doit être étendue et plus largement qu'elle ne l'est pour le moment dans notre législation. Parce qu'il a un courage assez exceptionnel, j'approuve et je l'admire, et il mérite une décoration pour défendre son bien et sa femme et en même temps ne pas se faire assassiner. C'est un coffre fort avec plein d'armes. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai bloqué toutes mes fenêtres et mes portes avec des verrous, mais j'ai quand même dans quelques meubles ici des armes qui sont prêtes à intervenir, elles sont chargées, et j'en ai une sur ma table de nuit. Celui qui entre chez moi sans être invité, il va pas sortir vivant. Hein. Mais pour moi, c'est absolument pas de la légitime défense, comme j'ai dit à votre collègue, puisque bon, c'est tout à fait bien défini. Réaction proportionnelle et immédiate. Ce monsieur a le temps de remonter et prendre son arme. Donc, je ne dis pas que les voleurs ont bien fait, hein, attention. Hein. Là, jusqu'à preuve du contraire, lui, il n'a pas d'arme, donc il ne peut rien faire. Donc, c'est immédiatement qu'il aurait dû avoir quelque chose sous la main. Ce monsieur, ce n'est pas l'ennuyé qu'on doit faire, c'est le décorer. J'aurais fait la même chose que lui. Je trouve que c'est normal. On vient chez vous et vous devriez vous laisser faire. Madame Urquelings a retiré les armes aux honnêtes gens, mais n'a pas désarmé les bandits. Le problème, il est là. Si on ne se défend pas un petit peu soi-même, il fout le camp. Et on ne les revoit pas en prison. Moi, avec le fait que je me suis défendu, ils ont été attrapés parce qu'ils ont dû se faire soigner aussi. Alors, ils ont été 5 mois en prison. Ça ne me soulage pas beaucoup, mais ça fait du bien quelque part. La conversation continue sur Internet. Vous pouvez débriefer tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, aimer ou pas aimer. Voilà pour nos 2 heures de dialogue et on se retrouve demain. Bonne journée tout le monde.